out to me today. Send me a file. Make a upload. Avec quelques camarades, on est parti du constat qu'on était toujours investis dans des mobilisations pour contrer des attaques gouvernementales, pour lutter contre certaines réformes, etc. Et on a fait le constat suivant, c'est-à-dire on s'est dit, bon, si toutes ces luttes sont bien entendu nécessaires, pour autant on n'est pas tellement satisfait parce que on ne peut pas se contenter de lutter pour obtenir un statu quo et pour conserver des situations qui de toute façon ne nous conviennent pas en tant qu'anarchistes. Et on a aussi constaté que le plus souvent dans les tracts, dans les prises de parole, dans les actions, on était toujours dans du contre, dans de l'anti, et puis qu'à la fin, quand même, quand on avait le temps, on parlait un petit peu de révolution sociale et libertaire, d'autogestion, etc. Mais sans prendre le temps plus que ça de développer les choses. Et donc, à force de subir, on va dire, le calendrier des dirigeants, à force de subir les thématiques des dirigeants, hein, qui du coup déterminent pas mal aussi nos luttes, on a eu envie de prendre pour une fois l'initiative et parler de quelque chose qui est important pour nous, hein, c'est-à-dire l'autogestion, la gestion directe en tout cas, parce que c'est un point central des idées anarchistes. Et puis, c'est un deuxième avantage, c'est que on n'est pas seulement dans de l'incantatoire. L'autogestion, la gestion directe, peut aussi se faire bien avant le grand soir dans tout un tas de projets du quotidien. Et donc c'était intéressant de s'appuyer sur des expérimentations déjà actuelles, même si forcément elles sont limitées parce qu'on n'est pas dans une société anarchiste encore, bien entendu. Mais néanmoins, elles sont intéressantes. Et donc on a voulu lancer un petit peu une dynamique autour de ça. Alors en quelques mots, comment ça s'est passé? Quand on a lancé l'idée, ça a été plutôt bien accueilli. On s'est rendu compte que ça répondait un petit peu autour de nous, qu'il y avait déjà pas mal de petits projets qui existaient, d'autres qu'on a découverts à cette occasion-là. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un petit peu partout en France, il y a eu des initiatives autour de ce thème. Alors, il y a eu des débats, des projections, des rencontres, des émissions, comme ce soir aussi, des articles, etc. Donc, un petit peu partout en France. Et puis, le 21 mai, c'est-à-dire samedi prochain, tout ça se conclura par une manifestation à Paris sur le thème de l'autogestion. Alors, cette manifestation sera à la fois une sorte de conclusion de tout ce mois écoulé avec des initiatives un petit peu partout. Des camarades de province feront aussi le déplacement pour certains. Et puis, on espère que ça ne sera pas seulement une conclusion, mais que ce sera aussi le début d'une dynamique un petit peu plus large. Et que, pour une fois, on commencera à construire quelque chose qui pourrait ressembler à une dynamique plus vaste sur les projets déjà existants, une dynamique aussi plus vaste qui pourrait donner envie de lancer de nouveaux projets, de fédérer tout ça pour faire avancer nos idées et nos pratiques. Voilà. Oui. Hugues, sachant que si c'est la Fédération anarchiste qui est à l'initiative de cette manifestation et de ces activités, pour la manifestation du 21 mai, elle ne s'imagine pas faire la manifestation seule et que l'autogestion est un thème qui ne regroupe que les militants de la Fédération anarchiste. Ça veut dire que globalement, la Fédération anarchiste prend l'initiative, mais elle a invité l'ensemble du mouvement libertaire et un certain nombre d'organisations qui se réclament de l'autogestion. Alors, il faudrait sans doute débattre avec ces dernières pour savoir si la nature de leur autogestion est de même nature que celle que l'on peut défendre à la Fédération anarchiste, sachant qu'on a invité les camarades de la CNT, ce qui va sans dire, puisqu'un certain nombre de nos militants sont à la CNT. On a invité des camarades de Sud, parce que certains se réclament de l'autogestion. Et on a même invité une organisation un petit peu plus lointaine comme les Alternatifs, qui sont issus du marxisme pas trop autoritaire, on va dire, et qui se réclame de l'autogestion. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'un peu fédérateur autour de ce thème-là, et qu'effectivement, on le porte ce 21 mai, mais on peut aussi y travailler avec d'autres. Ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est en train de passer d'une pratique de l'autogestion un petit peu mythique, hein, que ce soit les collectivités espagnoles, avec l'autogestion soit de la terre par les paysans andalous ou des usines par les ouvriers de Catalogne, ou toujours dans cette dimension un petit peu historique et dans un mythe plus rapproché de ceux qui ont connu cette période-là autour de l'IP, hein, donc des gens qui produisaient des montres et qui disaient on produit, on vend, on se paye, hein, à des choses qui sont, de mon point de vue, tout aussi intéressantes, avec des micro-expériences d'autogestion. Hein, et donc, on va autogérer ici un lycée autogéré, donc expérience pédagogique, on va autogérer une AMAP ici ou là, on va autogérer une coopérative ouvrière de production, on va autogérer une classe Freinet, donc dans le système étatique d'éducation, on va autogérer un squat, et je pense que toutes ces pratiques autogestionnaires qui sont micro-locales peuvent nous permettre de nous aguerrir à la question de la gestion collective et de la gestion directe. Et donc ça devient une espèce d'école sociale de l'autogestion qui nous permettra peut-être, pour peu que le monde change, là encore beaucoup de travail devant nous, de nous permettre de penser, pouvoir gérer dans des dimensions beaucoup plus importantes, qui reviendront à celles de l'usine ou des champs que nos camarades espagnols avaient mis en œuvre. Hein, donc c'est pour moi une école de l'éducation populaire tout à fait essentielle. À ce que vient de dire Hugues, on pourrait ajouter un anniversaire cette année, c'est celui de la Commune de Paris, donc une expérience en grande partie autogestionnaire bien lointaine. Donc avec plusieurs commémorations qui ont appuyé la dimension justement autogestionnaire de cet épisode, à la fois glorieux pour le mouvement ouvrier et tragique. Évidemment, les personnes qui nous écoutent, celles qu'on côtoie, celles avec qui on milite, nous sommes des militants épris de liberté et désireux de vivre libre enfin, quoi. Et ce désir de liberté, de toute façon, sur le plan de la production, par exemple, des différents domaines de l'activité humaine, cette aspiration ne peut que se traduire, en tout cas dans ces domaines-là, par des pratiques autogestionnaires, si on veut vraiment en finir avec la hiérarchie, avec l'autorité. C'est, je dirais, une thématique qui va de soi. Moi, je me suis amusé à faire une petite revue de presse. Peut-être au cours de l'émission qui est elle-même autogérée, si j'ai bien compris. Je me permettrai de faire des petites interventions selon ce que j'ai pu glaner ici et là. Alors, je commencerai par un courrier des lecteurs piqué dans l'Indépendant. Les journaux du midi. Alors, c'est très court, mais c'est parlant. Un monsieur Gérard Serra de Saint-Laurent-de-Cerdan qui prône l'alternative au capitalisme. Et il écrit: une nouvelle forme de société plus humaine, tournée plutôt vers une solution autogestionnaire et éco-socialiste, pourrait voir le jour après la décadence du capitalisme de masse que nous connaissons tous, avec son train d'injustice pour les classes défavorisées. L'autogestion, ancienne idée abandonnée par beaucoup, continue à être pratiquée par des centaines d'entreprises en France et de par le monde. Elle reste probablement l'alternative la plus crédible à l'impasse des dégâts occasionnés par la propriété privée capitaliste actuelle. Les partisans de l'écosocialisme autogestionnaire veulent construire cette forme de gestion sur quatre éléments fondamentaux. 1. La socialisation démocratique des moyens de production. 2. Une politique de redistribution des richesses produites. 3. Une démocratie fédéraliste, entre parenthèses, au sens libertaire. 4. Une décroissance des plus riches pour que les plus pauvres puissent vivre décemment. Ce dernier pilier relève, à mon sens, de l'antiproductivisme, car comme nous le savons, l'humanité est limitée en ressources non renouvelables, telles le pétrole. Ne serait-il pas raisonnable de mettre un terme à cette course effrénée de la consommation qui part à la dérive et qui, par son processus, accélère les inégalités et détruit la planète ? Une réflexion est à faire sur ce futur choix, certes provocateur pour les classes dominantes, mais nécessaire pour continuer à vivre ensemble. voilà une intervention. Et donc ça a été publié dans le journal, ça ? Oui, oui, absolument. C'était un avis de lecteur, c'est ça ? Voilà, c'est un courrier des lecteurs, qui date de décembre dernier, donc décembre 2010, le 8 décembre, bon, publié par l'Indépendant, donc le journal du Midi. Et de droite. Et voilà. Et donc, bon, voilà, c'est remarquable, à la fois bon, par le propos et peut-être par cette aspiration qui dépasse, à mon avis, assez largement les milieux anarchistes pratiquants, si j'ose dire, quoi. René, tu as une intervention sur ce qu'il a dit ou ce que tu avais prévu là? De dire. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Ah, absolument, on a besoin du diable. Si on fait anthologie, il faut tout le monde. Hein. Bon, je pense que toute expérience concrète où les gens s'organisent entre eux pour faire quelque chose, produire quelque chose, c'est quelque chose de positif. Bon. Donc, ça, sur ce point-là, je pense qu'on est tous d'accord. Et qu'on doit promouvoir ce genre d'expérience, les soutenir quand elles existent, etc. Mais, en général, quand on parle d'autogestion, la plupart des gens pensent justement à la gestion de petites unités de production, ou d'unités de production pas très grandes, quelques dizaines, peut-être même maximum une centaine de personnes, qui s'autogèrent, bon, qui ont défini des statuts, et puis qui sont plus ou moins égalitaires, et qui je pense aux coopératives, par exemple, bon. Et l'organisation d'une petite partie de la population dans ce type de structure, qui est une chose positive, extrêmement positive, vise en gros à répondre aux besoins de changer la vie chez les individus qui constituent ces unités de production ou de distribution pour des trucs, les magasins coopératifs, etc. On veut changer la vie quotidienne. Un jour on dit, il y en a marre, la vie est trop conne, on change la vie. Donc ça c'est bien. Bon, il y a les coopératives, et toutes ces expériences, tous ces exemples constituent en quelque sorte des micro-expériences. Et je pense qu'il est utile de montrer que c'est possible. Bon, donc faut diffuser l'idée que les gens peuvent s'organiser entre eux pour réaliser un objectif. Et ça constitue, comme disait Hugues, je crois que c'est une sorte d'entraînement, quoi. Bon. Mais il est certain que si ce genre d'expérience prend de l'ampleur, et il y a des exemples de situations où la population se prend en main parce qu'elle est obligée, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il y a une situation critique extrêmement grave, comme ça s'est passé en Argentine, ou dans d'autres pays, même aux États-Unis pour une partie de la population. Il y a eu des exemples d'auto-organisation comme ça, avec une monnaie locale qui n'avait pas de, avec laquelle qu'on ne pouvait pas accumuler. Et en Argentine, ça a pris des proportions extrêmement importantes, extrêmement. Et les gens étaient obligés de le faire. Au début de la crise financière, les gens tapaient sur les portes des banques avec des casseroles, puis après ils se sont dit, on va s'organiser. Et ce type d'organisation soustrait au capital des milliards de dollars. Au circuit de circulation capitaliste, l'équivalent de milliards de dollars. Non pas que les gens ont des dollars, mais ça correspond à la production de biens et de services qui s'échangent d'une façon non monétaire, disons. Bon. Donc tout ça, c'est bien. J'ai cité lors d'une précédente émission un exemple qui m'avait été donné par un ami en Californie, dans les années 60. C'était en pleine époque hippie, et il y a environ 3 millions de personnes qui se sont organisées en marge du capitalisme, pour produire et vivre complètement en marge, dans un système non monétaire, quoi. Et ça a duré plusieurs années. Bon, ça marchait, quoi. Bon. Et à un moment, l'État est intervenu. Et bon, dans les cas où l'État est vraiment idiot, il intervient avec la police, ce qui peut avoir une certaine efficacité, mais certains États sont plus intelligents que ça, et ils sont intervenus grâce à la fiscalité. Ils ont dit, ce système-là, en dehors du système capitaliste, produit quand même de la valeur, or ces gens-là ne payent pas de TVA. Et ils les ont cassés comme ça. C'est-à-dire que, si se développe en France, en Europe, partout. Un système alternatif au système capitaliste, une organisation alternative au capitalisme et qui fonctionne. Je pense par exemple si les AMAP, qui sont aussi un exemple qui me paraît positif, bon, se développent d'une manière excessive par rapport à l'État, par rapport au lobby, des commerçants, etc. Ils seront réprimés, il y aura une répression. Il faut que les copains qui sont dans les AMAP le sachent. Donc le problème qui est à l'origine, je veux changer ma vie, je veux changer la manière dont je travaille, finit par devenir inévitablement un problème politique, puisque c'est l'État qui va intervenir pour casser. Et on est certain que ça va arriver, je veux dire. Donc ces micro, je ne sais plus quel terme tu as employé, ces micro-expérimentations, qui deviennent moins micro que ça, peuvent devenir macro, quoi, c'est-à-dire grand, à grande échelle, vont inévitablement produire une répression de l'État, quoi. Bon, mais ça, il faut le dire. Et ça fait partie aussi du travail de propagande des libertaires vis-à-vis de... Sachant que si je peux t'interrompre... Bien sûr. Les SEL, quand ils se sont mis en place, donc les systèmes d'échange locaux, il y a un certain nombre de commerçants, par exemple, qui ont averti le fisc, ouais, en disant que ces gens-là échangent des choses sans impôts et sans factures et choses comme ça, et nous mettent en péril. Et donc, ils ont demandé à l'État d'intervenir. Ouais. Ce qu'il n'a pas fait, parce que, effectivement, comme tu le dis, le système est trop petit. Ouais. Mais c'est sûr que s'il y a extension d'un système qui se met à la marge, ça fera comme la Banque coopérative de Proudhon, ça fera plouf, ou ça sera réprimé. Alors, la Banque coopérative de Proudhon, elle s'est pas développée, parce qu'on l'a mis en prison. Oui, ça peut pas. Oui, mais ça veut dire que la répression est rapide, quoi, quand il y a un vrai danger social. Oui, oui. Bon, faut le savoir, et je pense qu'il faut le dire. Et le rôle de notre rôle, je pense, c'est aussi de dire ces choses-là. Bon, parce que, bon, je termine là-dessus. Le terme autogestion ne me plaît pas, ça m'énerve un peu, quoi. Bon, il est apparu après mai 68, c'était un peu la tarte à la crème, on l'a mis à toutes les sauces. Le premier qui l'a prononcé, enfin du moins... publiquement, apparemment, ce serait Eugène Descamps, qui était à l'époque secrétaire général. Et en fait, c'est pour la petite histoire, à la limite, on s'en fout, mais bon, après tout, on a le droit de se donner des petites histoires. Je crois qu'il a dit au père de Jacky Toublet qu'il cherchait un mot, tu vois, pour un mot un peu nouveau, quoi, pour contrer un peu le centralisme pratique des camarades qui n'étaient pas vraiment ses camarades du PC et de la CGT. Et dans un discours comme ça, un peu entraîné, il a lancé autogestion. Et bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette organisation qui était pour l'autogestion, parallèlement, elle centralisait ses structures. Donc on pouvait douter de la... Voilà un peu comment le mot a été lancé. Et effectivement, il a l'avantage, je pense que c'est pour ça que la Fédération anarchiste l'a repris autour de cette initiative, c'est qu'il a l'avantage d'être connu par pas mal de gens, au moins existants. Bon, voilà. Dit qu'il m'énerve, mais je l'emploie quand même à l'occasion. Mais à mon avis, je termine là-dessus, la question de l'autogestion n'est pas la première question qu'on devrait se poser. Enfin, on commence par la fin. Parce que après 68, beaucoup d'universitaires se sont intéressés à l'autogestion. Ils ont découvert un truc, ils ne connaissaient pas. C'est la classe ouvrière est capable de s'autogérer, de se gérer elle-même dans les entreprises. Et il y a eu un tas d'études, il y a même eu une revue faite par Yvon Bourdet, qui était extrêmement intéressante. C'était bien, autogestion et socialisme, c'est ça. Et où il refaisait la recension de tous les exemples historiques d'autogestion, tout ça, enfin bon, y compris en Yougoslavie. Et donc, ça visait à montrer que les ouvriers, les travailleurs, les salariés étaient capables de s'autogérer. Ce que nous, libertaires, on sait depuis longtemps, je veux dire. C'est pas spécialement un scoop. Bon. On le sait depuis Proudhon, entre autres choses, de la capacité des classes ouvrières. Puis depuis la guerre d'Espagne aussi, bon, accessoirement, qui était quand même un exemple de masse, quoi, je veux dire, de réalisation réelle. Et donc, pour moi, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas de comment les ouvrir. Parce que moi, je suis peut-être un des rares cas où je peux parler d'autogestion de manière en connaissance de cause. Parce que j'ai travaillé 25 ans dans une boîte qui était une commandite ouvrière, où on vivait pratiquement en autogestion. Hein. Ce qui manquait, c'était simplement le socialisme. Bon, à part ça, bon, c'était une espèce de coopérative. On était 400. Bon. C'est ça, on le sait, ça, qu'on est capable de gérer les entreprises. Ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer comment on va gérer l'énergie, les chemins de fer. Est-ce que chaque gare sera autogérée par le personnel qui travaille dedans? C'est pas important, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment une structure qui, à une échelle de masse, enfin globale, de centaines de milliers de kilomètres carrés, organise le transport des gens et des marchandises en faisant que les trains arrivent à l'heure. Parce que si dans une société anarchiste les trains n'arrivent pas à l'heure, moi je dis que c'est pas la peine. Bon, c'est qu'il faut au moins que les trains arrivent à l'heure, entre autres choses. Et c'est ça qui est important. Je pense que les gens ont peut-être envie de savoir comment marcherait leur entreprise, mais quelqu'un qui travaille chez AXA, on va lui expliquer, ça va être autogéré. Il va lui dire, on va autogérer quoi ? Je suis pas sûr que ça vaille le coup de gérer le système assurantiel. Bon, donc, c'est, à mon avis, c'est pas ça qui est... C'est important, mais c'est pas ça qui est essentiel. C'est expliquer comment la société globalement va être gérée par... les travailleurs et les citoyens, et le ciment de cette organisation-là, c'est pas tellement l'autogestion, c'est le fédéralisme. Bon, j'arrête là pour l'instant. Je vais du coup reprendre ma petite revue de presse, puisque j'ai un extrait trouvé dans un média qui s'appelle Tendance, que je connais pas. Donc une interview, un entretien d'Elinor Ostrom, récente prix Nobel d'économie, donc qui est professeur de l'université d'Indiana. Et qui a 76 ans. Et dans cet entretien, elle déclare... alors, l'économiste, donc Madame Ostrom, a mis en évidence que ces ressources, ressources naturelles, entre autres, de grande envergure, ne sont pas soumises à la fatalité des biens communs. Une idée qui avait été développée par un professeur d'écologie américain dans les années 60. Puisqu'un bien commun n'appartient à personne, il est condamné à la surexploitation et à la dégradation, puisque chaque utilisateur va chercher à tirer le maximum sans égard pour l'avenir à long terme de la ressource. Ce constat a encouragé deux types de réactions. Le bien commun sera bien mieux géré par l'État ou alors par des intérêts privés. Ce n'est pas Madame Ostrom qui s'exprime, hein. Là c'est le journal qui pose une problématique. Ce que réfute Elinor Ostrom, l'économiste formée aux sciences politiques, a développé une recherche basée sur une étude de cas pour examiner les différentes méthodes pratiquées dans le monde. Conclusion, la formule de la gestion par les usagers est dans certains cas la meilleure. Et là, je cite donc Madame Ostrom, « Le domaine que je connais le mieux est celui de l'irrigation, explique-t-elle. Il y a des mécanismes où l'autogestion fonctionne vraiment très bien. C'est le cas, par exemple, en Espagne, où l'autogestion des huertas, située dans la région de Valence et d'Alicante, est pratiquée depuis plusieurs siècles, ou dans certains pâturages des Alpes, ou des zones agricoles de montagne au Japon. » Voilà, et elle extrapole, enfin elle lance ensuite la réflexion sur Internet, qui est un autre cas où l'autogestion se porte bien. Regardez l'Internet, c'est une communauté énorme, très ouverte, indique Elinor Ostrom, une communauté qui pourrait jouer un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc., etc. Enfin, ensuite, elle extrapole, mais elle cite, disons, des exemples, d'envergure où l'idée autogestionnaire est quand même défendue par donc, cette prix Nobel d'économie 2010. Oui. Juste un tout petit mot pour rassurer René, il a bien connu Antonio Barranco, je crois, qui était un militant anarchiste espagnol de l'Alliance syndicaliste, qui avait été un de ceux qui faisaient que les trains de la région valencienne arrivent à l'heure durant la guerre d'Espagne, et qui a participé très largement à la réorganisation de la Renfe durant cette guerre sociale que lui et quelques autres ont conduit. Quoi. Et donc les trains arrivaient à l'heure. C'est pour ça que j'ai parlé des chemins de fer. Le drapeau rouge et noir flottait sur la locomotive. Users 1 billion a day 50 million. 4% of the internet. Il faut lancer une nouvelle pratique, c'est-à-dire que ce soit dans les sections syndicales, que ce soit dans les associations de parents d'élèves, que ce soit dans tous les lieux où on intervient en tant que militant libertaire, il y a d'autres façons de prendre les décisions que de les laisser au secrétaire de section ou au président de l'association. Voilà, donc tu as parfaitement raison, et ça me rappelle ce qu'il disait René tout à l'heure, hein, c'est-à-dire quand il disait que une autogestion à plus ou moins grande échelle entraînerait forcément une réaction de l'État et donc conflit entre nous et le pouvoir. Hein. Effectivement, je pense que c'est à pas perdre de vue. Et justement, ça me faisait penser que l'autogestion, on la prône aussi dans les luttes en elles-mêmes. Parce qu'on a bien vu depuis bien longtemps maintenant que quand les luttes sont dirigées, sont cornaquées par des chefs, qu'ils soient petits ou grands, on a bien vu que ces luttes, on en était dépossédés, hein, tout comme on est dépossédé de nos vies au quotidien par la gestion capitaliste ou qu'elle soit d'État ou pas. Bah nos luttes aussi sont souvent victimes des mêmes maux. Et par conséquent, au même mot, les mêmes remèdes. Les luttes aussi sont bien sûr à autogérer. Et ça fait partie des apprentissages qu'on peut expérimenter dès maintenant, sans attendre un éventuel grand soir. Il y a un certain nombre de pratiques dont il faudrait qu'on fasse la propagande et qu'on diffuse, notamment dans les organisations syndicales, ou autres, les organisations de type de classe, quoi, disons, pas seulement les syndicats, mais en particulier les syndicats, et qui sont des éléments fondamentaux nécessaires de l'autogestion. C'est que les personnes qui sont mandatées à une fonction ne puissent pas être mandatées à vie. Bon. Donc c'est ce qu'on appelle la rotation des mandats. On peut, par exemple, faire de l'agitation dans nos organisations, là où on est, pour que les mandats n'excèdent pas 2 ans, c'est-à-dire qu'il y ait une assemblée générale élective tous les 2 ans, et que la même personne ne puisse pas cumuler ce mandat plus de 3 mandats successifs, ça fait 6 ans. En 6 ans, on a le temps de faire des choses, et c'est pas un mandat indéfini. Bon. Et ça, c'est un truc de base, auquel on pense pas, quoi, par exemple. Bon. Et instaurer ou militer pour instaurer dans les syndicats dans lesquels on se trouve des mesures de contrôle des mandats. Bon, des choses comme ça, c'est des choses basiques que les gens comprennent quand on explique ça. Les gens, souvent, ils y pensent pas parce que ils sont pas conditionnés à ça. Ils sont conditionnés à avoir le même permanent pendant 20 ans. Et d'ailleurs, normal. Souvent, ça met très mal à l'aise les hiérarchies syndicales parce qu'il suffit de soulever ce genre de fonctionnement en assemblée générale. Et tout d'un coup, les gens qui tiennent la tribune, en général, commencent à changer de couleur. Oui, oui. Parce qu'ils se rendent bien compte que dans l'assemblée, oui, les gens sont tout à fait partants, en général, pour définir des mandats précis, ponctuels, révocables, limités. Oui. C'est un combat. Cause de la hiérarchie syndicale, et tant mieux que les bureaucrates retourneront au travail, et c'est parfait. Cela dit, ça veut dire aussi que chacun d'entre nous, à un moment donné, s'engagera se mettre au boulot pour prendre des responsabilités. C'est pas le tout de dire on n'aime pas les chefs, mais ça veut dire aussi pour pas qu'il y en ait, il faut que tous, à notre retour, on prenne les responsabilités. J'allais justement aborder cette question. C'est bien la question aussi souvent. Parce que on voit même dans notre organisation à nous des difficultés pour prendre un certain nombre de mandats. Pourtant, nous ne sommes que des gens responsables. Ou pour les lâcher. peut-être. Mais moins peut-être. Moi, j'ai été pendant 40 ans dans une organisation, la CGT, où on fonctionnait de cette façon-là. C'est-à-dire c'est une réminiscence de la période anarcho-syndicaliste du mouvement ouvrier, dans le livre. C'était des mandats. Enfin, c'était il y avait une rotation des tâches, quoi. Et on pouvait. Ça n'a jamais été remis en cause par les syndiqués. Bon. Je pense que on peut déjà commencer par ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un élément indispensable pour que les syndiqués ou les membres d'une association quelconque puissent déjà commencer à autogérer leur propre organisation. Sinon, ils pourront jamais. On parlera d'autogestion, puis on sera dans une organisation où il n'y a pas d'autogestion. Ben, ça n'a pas de sens, quoi. Moi, dans cet exemple-là, je ne sais pas s'ils nous appelleront. Enfin, Une association d'ailleurs qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Ambiance Bois, je pense autour de la table certains les connaissent, elle existe quand même depuis 88, même si c'est petit, c'est quand même une vingtaine de personnes, et effectivement ils appliquent ce genre de choses, et comme par exemple ils sont obligés d'avoir un président, bon, il est tiré au sort et puis ça change, et bon, tout est pris en assemblée générale, bon, pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est dans la Creuse, c'est une chose, et surtout ils font divers objets en bois à partir de mélèzes qui sont dans la région. Bon, ils ont fait revivre un village par ailleurs. Et ce que tu évoques, René, ils sont très. Enfin, pour eux, c'est extrêmement important la façon dont ça fonctionne, dont on prend les décisions. En plus, il y a un certain nombre de tâches qui sont des tâches considérées comme. Plus désagréable que d'autres, peut-être nettoyer, je sais pas exactement, bon, tout le monde tourne un peu sur ses tâches, enfin, ils ont vraiment beaucoup réfléchi à ce genre de choses, pour avoir discuté avec eux, même si effectivement, c'est une expérience qui est limitée, comme toutes les choses qu'on va un peu évoquer ce soir, dans leur mode de fonctionnement, pour eux, c'est important, quoi, si effectivement, il est possible un jour de gérer bien plus qu'une fabrication de meubles en mélèze, c'est un choix politique qu'ils ont fait, quoi. Je veux dire, donc il y a des certain nombre d'associations aujourd'hui dans divers domaines qui sont relativement conscientes. Enfin, le collectif est relativement conscient des choses qu'on évoque ce soir, je pense, même s'ils se revendiquent pas tous forcément de l'anarchisme. Je pense qu'un des caps à passer, peut-être les plus importants. Si on part de ces organisations qui ont quand même une vocation de remise en cause du fonctionnement actuel de la société, j'ai rarement trouvé des exemples d'une tentative de fédéralisme. Alors je ne dis pas que les gens sont contre, peut-être ils sont très pris par la gestion de leur quotidien, c'est déjà beaucoup, essayer de fonctionner différemment dans un secteur qui est quand même environné par le grand méchant capitaliste qui est là, hein, qui est en amont, qui est en aval, qui impose des règles. Enfin, je sais pas, peut-être vous avez des exemples, mais il y a malheureusement... Contre-exemple, moi, j'ai... Peu d'exemples de sortir de la gestion de là où on est. La difficulté, il y avait une imprimerie coopérative dans le 20e arrondissement, il n'y a pas si longtemps que ça, en région parisienne, enfin à Paris, où effectivement, on s'est aperçu que, quand on est dans le secteur marchand, une association, c'est une chose, une AMAP, c'est une chose, on est en dehors du système économique, donc on peut peut-être gérer les choses un peu autrement. Quand on est dans le secteur marchand, ça veut dire que pour s'inscrire dans le système de la concurrence, il faut sans doute travailler 39 ou 40 heures comme les copains. Et quand on veut participer, non pas seulement à la production, mais à la gestion de sa coopérative, ça demande hebdomadairement une heure, deux heures, trois heures ou quatre heures en plus. Et dans cette coopérative qui a bien fonctionné un temps, au bout d'un moment... Les copains qui étaient derrière les machines à l'imprimerie avaient tendance à déléguer à la copine qui était la gérante de la dite coopérative en lui disant fais les choses, nous on a fait notre part, fais la tienne. Ce qui fait qu'ils se sont désengagés très largement de la gestion directe de la coopérative parce que ça leur faisait un surcroît de travail et que, in fine, la coopérative a périclité pour devenir quasiment une entreprise comme les autres. Et la gérante s'est fait virer par ses camarades et ça s'est terminé au prud'homme. Donc c'est pas que le rêve, l'autogestion. Quoi, hein. Ça veut dire que dans le secteur marchand, ça demande une implication peut-être plus forte encore des compagnons et des compagnes qui s'engagent dans le système coopératif que dans le système marchand. Quoi. Hein, donc c'est pas de la tarte, l'autogestion, comme disait je ne sais trop qui il y a fort longtemps. Je pense qu'effectivement, ça demande une implication supérieure, parce que on a non seulement l'organisation de ce qu'on fait, une réflexion sur pourquoi on le fait, comment, de quelle façon, etc. Et puis le faire, au bout du compte. Donc c'est vrai que ça rajoute des tâches, effectivement. Et comme tu disais tout à l'heure, oui, tout le monde est toujours d'accord pour que tout le monde dessine, mais quand il faut se charger de certaines tâches, déjà, il y a un petit peu moins de monde. Et c'est bien pour ça que l'autogestion, ça s'apprend. Hein, ça ne se décrète pas, à mon avis. C'est quelque chose qui doit s'apprendre, qui doit justement s'expérimenter. Et pas nécessairement pour commencer dans une entreprise, je dirais. Et c'est pour ça aussi que il faut qu'on incite les gens à mettre en pratique, pas seulement dans leur boulot, etc., mais même dans des petits trucs du quotidien, hein, que ce soit leur... une association quelconque, y compris d'un truc de loisir ou etc. Je pense que ça aussi on peut l'autogérer. Mmh. Et ça s'apprend, c'est pas une évidence, surtout dans un système où justement on nous désapprend à décider nous-mêmes et à faire nous-mêmes les choses. Et ça souligne à mon avis l'importance de cette éducation qu'on doit mener et de cette expérimentation qui est amenée par chacun. En gros, tu dirais comme Simone de Beauvoir, on n'est pas autogestionnaire, on le devient. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Enfin, ceci étant, j'ai quand même constaté que, bon, sans qu'on aille jusqu'à l'autogestion, mais dans des collectifs de travail qui ont su préserver, il y en a de moins en moins, hein, je vous rassure tout de suite, qui ont su préserver un fonctionnement. Tu nous inquiètes tout de suite. Qui est en fonctionnement collectif, parce que le capitalisme, c'est pas forcément des cons, enfin, les serviteurs du capitalisme, donc ils ont cassé, justement, enfin, René pourra en parler dans le domaine du livre, et on voit ça chez les dockers, on voit ça, moi, j'ai vu dans là où je travaillais. Ce que je voulais dire, c'est que, on avait réussi en place, moi je travaillais, un collectif de travail qui fonctionnait très bien en interne, c'est-à-dire qu'on se tirait pas dans les pattes, les infos passaient de l'un à l'autre, on s'était débrouillé pour que les augmentations de salaire soient identiques pour tous, bon je passe sur les détails, bon enfin on avait un collectif qui fonctionnait très bien, et ce que je veux dire c'est qu'on s'y retrouvait, quoi. On s'y retrouvait beaucoup, peut-être qu'on investissait plus dans le fonctionnement de travail et dans un certain nombre de choses qui sont évoquées, bon on ne se déclarait pas en autogestion, on n'était d'ailleurs pas en autogestion, mais on avait un certain nombre de critères de fonctionnement qui allaient à tout le monde, et on était 40-50, on n'était pas que des anarchistes là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que en ce qui concerne le fonctionnement au travail, les propositions que nous on peut faire, et que certains d'ailleurs pratiquent, qui demandent effectivement un investissement un peu plus grand, puisque on se contente pas d'avoir sa petite tâche bien délimitée, qui n'est pas la même que celle du voisin, soi-disant, etc. On s'intéresse à l'ensemble du processus, mais bon, ça, je pense que les gens sont beaucoup plus intéressés à ça, et pour prendre un contre-exemple, dans les imprimeries militantes, effectivement, il y a eu certaines qui ont évoqué, mais il y en avait d'autres où le fait de pouvoir participer à la gestion, etc., intéressait beaucoup les gens, même si ça leur demandait peut-être un peu plus de temps d'investissement. Mais comme le processus de travail était beaucoup plus collectif, donc beaucoup plus efficace, parce qu'il ne faut pas oublier que le capitalisme, c'est un gaspillage énorme, non seulement de ressources, mais de ressources humaines. Moi, j'ai vu comment ils ont cassé avec les néo-management justement tous ces processus collectifs de travail, on arrive à un gâchis absolument énorme, pas un gâchis pour ce qui se fout dans les fouilles, mais un gâchis par rapport aux connaissances, aux capacités, au fonctionnement collectif qu'on peut avoir dans un processus de travail qui est mille fois plus efficace, même sans parler d'autogestion, plus efficace réellement, parce que les gens ils travaillent avec d'autres dans des meilleures conditions, sans qu'il y en ait un qui est le copain du chef et qui a une rallonge plus grande. Enfin, nous, c'est ce qu'on a. Moi, c'est ce que j'ai vécu pendant 30 ans. Bon, en électronique, enfin, peu importe le secteur. Donc, présenter la nécessité pour les gens de s'intéresser à un processus plus complet, c'est-à-dire y compris à la gestion, comme un investissement en temps supplémentaire, peut-être, mais peut-être pas forcément d'ailleurs. Dans la mesure où on... Moi, tiens, je termine sur un exemple. Ça se passe en Belgique, ça se passait en Belgique, parce que je ne sais pas si ça existe toujours. Et en Belgique, il y a à la Belgique, non plus, n'existe plus. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. En tout cas, il n'y a plus d'État belge. Il n'y a plus de gouvernement belge, mais apparemment... Il y a 4 gouvernements belges, selon la langue que tu parles. Donc, c'était un collectif dans un milieu qui va peut-être vous paraître bizarre, dans un milieu de médecine. Et enfin, disons, un centre de santé, pour être un petit peu plus large. Et apparemment, à l'époque, en tout cas, il y avait des lois qui permettaient à des gens qui travaillaient dans un secteur de santé, autour surtout de la médecine, mais aussi des kinés, ils étaient une quinzaine. Effectivement, ils géraient plein de choses, y compris il y avait un journal qui était fait avec les malades, enfin les gens qui venaient les voir. Enfin, il y avait tout un tas d'activités qu'on ne voit pas d'habitude faire par les médecins. Ceci étant, comme ils étaient tout un collectif, il y avait des gens qui pouvaient partir en formation pendant que d'autres remplaçaient, etc. Quoi. Je veux dire, le fonctionnement collectif tel que nous on l'imagine, ou même certains le pratiquent, c'est diablement efficace. efficace, ça tire bien mieux parti des capacités de chacun. Et moi, je pense que ça peut dégager du temps pour s'intéresser effectivement à la gestion, etc. Bon, la difficulté, et ça, c'est sans doute ce que ton exemple souligne, c'est que on n'est pas du tout dans un environnement comme ça. Donc, les gens sont pas du tout habitués à fonctionner comme ça. Et donc, pour passer à ce que je propose là, bon, ça nécessite parfois que des gens se retrouve avec d'autres, soit entraîné dans un système, etc. C'est pour ça qu'on ne le voit que dans des petits îlots qui survivent par-ci par-là aujourd'hui. Voilà. Si moi je fais le diable de l'avocat, c'est pour montrer aussi que les choses ne sont pas si simples que ça. On a connu, d'après ce que me disaient des plus anciens que vous, si j'ose dire, à la libération des tentatives de coopératives ouvrières qui se mettaient en place, le Parti communiste mettait en face des entreprises concurrentes et faisait du dumping social pour casser les coopératives. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que le système coopératif puisse se développer et que les ouvriers, les travailleurs, je ne sais trop qu'encore, puissent prouver qu'ils étaient suffisamment grands pour se passer de patron, voire pour se passer du parti. Donc là aussi, les ennemis ne seront pas seulement forcément les ennemis capitalistes. J'aimerais bien qu'on revienne sur la question du fédéralisme que voulait évoquer René, parce que on pourrait imaginer que nos organisations autogestionnaires soient les petits îlots de prospérité dans une espèce d'égoïsme économique. Et ça, c'est pas non plus le modèle que nous voulons développer. C'est-à-dire qu'il faut effectivement de l'auto-organisation, mais il faut aussi de la solidarité. Répond ? René, peut-être, ou Stéphane, ou Bibo. Pour quelqu'un de ma culture, sans vouloir être prétentieux, c'est-à-dire qui a été formé par des anciens et des militants qui ont connu le mouvement ouvrier à une autre époque, la notion de fédéralisme, c'est quelque chose qui va de soi. Je veux dire, bon. On nous a toujours dit. Quand j'étais jeune, que par exemple le mouvement ouvrier, le mouvement anarcho-syndicaliste espagnol, n'était pas né en 1911 à la création de la CNT. Il y avait eu 60 ans de propagande libertaire préalable. Bon, c'est-à-dire que quand la guerre civile a éclaté en juillet 36. C'est pas une organisation syndicale regroupant 1 million d'ouvriers qui ne savaient pas quoi faire, qui s'est trouvé désemparé devant la situation. C'est une organisation qui avait formé plusieurs générations de militants, depuis 1868, à reprendre en main la production immédiatement. On leur avait dit, et ressassé, et redit, et expliqué, que un jour, on sera obligé de reprendre en main la production industrielle, les transports, l'agriculture. C'est-à-dire que et cette production se faisait dans le cadre d'une organisation qui était déjà fédéraliste, c'est-à-dire le syndicat. Bon. Et donc ça s'est fait. Le pire, c'est que ça s'est fait. Et ça a fonctionné, je veux dire. Ça a foiré pour d'autres raisons, mais ça n'a pas foiré pour des raisons d'échec de conceptualisation de la part du mouvement libertaire. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça a foiré parce que il y avait des gens qui avaient des armes plus importantes et qui ont gagné militairement. Bon, voilà. On peut même dire, René, qu'il y a eu des témoignages de patrons qui reviennent prendre les entreprises après la collectivisation anarchiste, qui disent « ça n'a jamais été aussi bien organisé, ils ont gagné sur le terrain de la production, ils ont modernisé l'outil de production, et choses comme ça. » Les patrons franquistes le disaient. Quoi, dans ce cas, Franco a fait détruire des usines après la défaite, parce que les ouvriers avaient amélioré tellement l'appareil de production que c'était un scandale, quoi, pour lui. Bon, pour pas qu'il y ait de témoignages. Bon. Donc, la réorganisation de la production, qui pour moi, ce que j'appelle l'autogestion généralisée, bon, là, au niveau d'une société entière, s'est fait naturellement. C'est ça qui est incroyable. Alors que nous, on en est à parler de petits machins de 20 types et un autre de 30 machins, et on est tout content parce qu'il y a des travailleurs qui s'autogèrent. Bon, c'est bien, mais à la limite, c'est presque à pleurer, quoi. Bon, moi, ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de regrouper des militants syndicalistes ou non, qui travaillent, par exemple, dans l'énergie, à EDF, qu'ils soient libertaires ou pas, je m'en fous. On n'en est plus là. Bon. Mais qui aurait des idées pour savoir comment on pourrait réorganiser le secteur de la production d'énergie dans une société libérée du capitalisme. Et je suis certain qu'il y a des centaines de gars et de filles, bon, seraient intéressés par ce genre d'initiative. C'est-à-dire qu'on se rencontre. Enfin, moi, je suis pas spécialiste de l'énergie. C'est un exemple que je donne. C'est parce que j'ai un copain qui bosse à l'EDF, bon, et puis que j'ai discuté avec lui, et il a des idées. Et il n'est pas anarchiste, bon, je veux dire. Mais je m'en fous, je veux dire, à la limite. Et que ces militants et militantes se réunissent en disant, voilà, il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites. Et ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que dans le secteur de l'énergie, il y a eu en 2009, je crois, enfin, il y a eu 8 milliards de bénéfices, dont 6 ont été redistribués aux actionnaires privés. Et pas un centime de ces 6 milliards n'est revenu à titre d'investissement. Bon. C'est-à-dire que l'EDF a produit 8 milliards de bénéfices, mais n'a conservé que 2 milliards pour son fonctionnement. Bon. Et ce genre de choses-là, tu ne peux pas le savoir si tu n'es pas en interne. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont à l'intérieur qui peuvent le dire. Et je pense que c'est des comités de travail au niveau local, régional, machin, qu'on devrait essayer de mettre en place, avec des libertaires ou pas, pour discuter de ce genre de choses. Parce que moi, j'ai aucune idée comment on va réorganiser l'énergie. Oui, mais c'est des choses qui ont existé quand il y avait un petit peu plus de conscience sociale. Dans les années 80, à Renault, il y avait Richter, qui était donc à la CFDT Renault. Il y avait un groupe de travail sur le moteur en céramique, je crois, qui est donc un moteur inusable, moins consommateur d'énergie, qui avait été pensé par un certain nombre d'ouvriers techniciens de Renault, pour justement dire, on en a marre de produire des machins qui durent pas longtemps et qui s'usent très rapidement. C'est-à-dire que quand les travailleurs ont la conscience de leur, responsabilité, ils peuvent à la fois produire autrement, mais produire aussi autre chose. Oui. Je pense que c'est ce genre de trucs qu'il faut faire. Mais non pas que ces collectifs de travail restent isolés, Renault, machin, sur le tel moteur, et puis les mecs de... Mais que ça soit coordonné et fédéralisé, quoi. Fédéré, quoi. Bon. De façon à, au bout de, mettons... quelques 50 ans, quoi. Quelques années. Non, proposer au moins un modèle. Dit voilà, ça pourrait fonctionner comme ça. Et puis l'énergie, ce serait comme ça, puis les transports comme ça. Et ces choses-là ont été réfléchies par des gens qui bossent dans ce secteur. Bon. Et ça, je pense que ça ferait partie, ça pourrait faire partie d'un projet libertaire, quoi. Oui, je voudrais intervenir sur, rebondir plutôt sur ce que disait René à l'instant. Effectivement, la question du contenu idéologique, politique, de l'expérience autogestionnaire est évidemment cruciale. Sinon, on se retrouve avec, comme j'ai pu le trouver dans ma petite revue de presse, un parti nigérien pour l'autogestion. Ça existe. Où on disait tout à l'heure que l'autogestion ne se décrétait pas, et ben détrompez-vous, puisque dans son récent programme, le président de l'État cubain, donc Raúl Castro, prôné entre autres des formes d'autogestion dans les entreprises. Autogestion que les castristes et les guevaristes ont cassé dans les années prise de pouvoir. Voilà, sans contenu, ou alors avec un contenu, disons, bien différent de ce que les libertaires prônent, on se retrouve avec ce genre de choses. Mais donc cette question, évidemment, est importante. En revanche, il faut quand même, pour arriver à ce que tu dessinais à grands traits tout à l'heure, à ces projets qui pourraient être évidemment très porteurs et d'envergure, laisser les électrons libres du mouvement libertaire au sens large retourner la terre et puis faire en sorte que cette conscience se diffuse au maximum. Voilà, parce que sinon, je crains qu'on ne soit dans une nouvelle forme d'incantation, c'est-à-dire, il faudrait que, et comment faire pour que. La question du contenu, on vient d'en parler, on trouve ça et là des... on a parlé tout à l'heure de quelques expériences qui pourraient paraître évidemment dérisoires, mais je pense qu'aucune expérience ne l'est en réalité, puisque si elle contribue à ce que les acteurs de ces expériences acquièrent donc une conscience libertaire, pour parler encore une fois largement, une partie du pari est gagnée. Là, je lisais dans un article du Berry Républicain qui a fait paraître en avril dernier tout un papier sur le Limousin, donc une vieille terre de coopération, comme chacun sait, et d'alternatives. Et donc, ce sont différents témoignages très courts sur l'économie solidaire, comme on dit hein, dans la novlangue, qui mange pas de pain. Alors voilà, là, un ancien ingénieur informatique à Paris qui s'est retiré dans le Limousin parce qu'il en avait marre de ce qu'il faisait à Paris. Il n'arrivait pas à trouver de sens à ses activités professionnelles. Et donc, il a monté une grande serre horticole de bois et verre avec 5 autres jeunes à la ferme de Lachaud, donc à Faux-la-Montagne, pour ceux qui connaissent, dans la Creuse. Je le connais. Voilà. Nicolas se sent en rupture, pas avec la notion de travail, mais avec le système classique, avec la compétition, l'individualisme, la soumission et une hiérarchie omniprésente. Voilà. Il parle d'une expérience d'autogestion avec un fonctionnement horizontal, participatif, enfin voilà. Et quelques autres dans le même esprit, quoi. Alors, évidemment, ces expériences-là ne rassemblent que quelques personnes, se fixent sur des activités qui ne sont pas essentielles à la vie d'une collectivité bien plus vaste. Mais après tout, est-ce que ces micro-expériences, est-ce que ces petites touches et ces tentatives ne participent pas d'une manière générale à, on va dire, un activisme qu'il faut entretenir quand même, malgré tout, et qui peut aboutir par la force, on va dire, par le nombre et par la conscience acquise au fil de l'eau, à des expériences plus vastes. Tout à l'heure, j'ai dit ce que tu dis, c'est que toutes les expériences d'autogestion ou de gestion collective par des groupes, si petits soient-ils, sont positives. Et il faut les soutenir, il faut en faire la promotion, etc. Au contraire, Hugues aussi a dit que ces expériences-là, si petites soient-elles, sont un entraînement. C'est exactement ce que tu viens de dire, en fait. La gymnastique. Bon, sur ce point-là, je pense qu'on est entièrement d'accord. Ouais. Mais ça ne m'empêche pas de trouver, historiquement, pas personnellement, mais regrettable, qu'on en soit à s'esbaudir parce qu'il y a 15 gars qui font un truc d'autogestionnaire, dans la Creuse ou dans le Berry, bon. Mais il n'y a pas. Fais gaffe, il nous écoute. Hein. Bon. Mais non, mais moi je trouve ça très bien. Mais c'est significatif que tu disais, le gars, ton informaticien, il ne trouvait pas de sens à sa vie, il a fait un truc autogestionnaire. C'est bien, je veux dire, c'est bien. C'est mieux que de, je sais pas, de... D'emmerder le travailleur. D'emmerder le... Bon. Mais la réflexion sur la gestion collective d'une société industrielle développée ne se limite pas à ça. Et moi, je dis que le mouvement libertaire, tout en faisant la promotion des micro-expériences, même à la limite, la radio libertaire, c'est une micro-expérience. Bon, c'est le cas de le dire. Bon, c'est, bon, de 25 ans. Qui dure. Mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on mette sur pied une espèce de machin, une structure de réflexion sur des préoccupations beaucoup plus larges, c'est-à-dire la gestion, comment on va gérer des institutions collectives au niveau d'un pays ou de l'Europe, quoi. Bon, oui. Comment on organise la distribution de l'eau d'une manière libertaire, comment on peut envisager l'organisation des transports, etc., ou de l'énergie. Bon, ça, je pense qu'on peut le faire en faisant appel aux personnes qui travaillent dans ces secteurs, même si elles ne sont pas libertaires, parce qu'il y a des idées, il y a plein d'idées, et nous, on pourrait être le centre, sans vous le... Catalyseur, bon, moi, le centre, ça me choque pas, bon, le catalyseur, si tu veux, de ce genre d'initiative, quoi. Oui. Cela dit, la rupture de cet ingénieur est sympathique, mais on a aussi connu des ruptures de ce type-là dans la presse 68. Alors on montait pour des coopératives, on allait élever des moutons sur le Larzac, hein, parce que les gens voulaient trouver du sens à leur vie. C'était sympathique, ils n'exploitaient souvent personne, reste que ça n'a pas donné de solution collective, et que parmi tous ceux qui ont tenté le coup, beaucoup en sont revenus, quoi. Donc c'est bien pour leur vie, c'est pas sûr que socialement, c'est historiquement... J'en connais un certain nombre qui sont partis élever des chèvres là, mais ça c'est pas une métaphore, c'est la réalité. Des chèvres au Larzac qui, à 50-55 ans, se sont aperçus qu'ils n'allaient pas avoir de retraite et qu'ils sont revenus chez les libertaires du syndicat du livre pour trouver du boulot, pour pouvoir toucher un petit pécule. Quoi. La soupe, bon, quoi. Bon, la plupart de ces copains-là se sont comportés de manière extrêmement correcte. Mais il y en a quelques-uns, non, quoi, tu vois, bon. Pour revenir à des choses plus générales, ce qui est aussi remarquable, c'est que dans toutes les grandes grèves qu'on a eues récemment, hein, que ce soit des grèves très sectorielles, comme dans les pneumatiques ou ailleurs, il n'y a pas eu de tentative de mise en autogestion de ces usines-là. Non pas qu'ils allaient forcément prendre le pouvoir définitivement sur Dunlop ou sur Total ou je ne sais pas quoi, mais simplement pour que symboliquement, ils montrent qu'ils étaient en capacité de produire et de distribuer autrement. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est quand même, même si ces expériences sont importantes, comme je le disais tout à l'heure, repliés sur des choses qui ne sont pas inscrites dans le système capitaliste marchand. Quoi. Il y a encore 20 ans de ça, peut-être, quelqu'un qui était à l'Alliance syndicaliste ou très proche, qui était secrétaire de l'Union départementale CFDT, il y a une grève qui se met en place dans une petite usine du Val-de-Marne où on fabrique des... Comment ça s'appelait ? Des machins Proust, là, c'est des madeleines. Hein, et donc, un peu poussé par le compagnon en question, mais pas seulement, les femmes reproduisent des madeleines de lutte pour à la fois tenir l'usine, montrer qu'elles n'ont pas besoin de qui que ce soit pour travailler, et puis effectivement soutenir le mouvement par la vente directe de ces madeleines-là. Et je pense que même si ça ne transforme pas le monde, je pense que c'est des expériences qui sont peut-être plus significatives que des gestions très ponctuelles dans le système non marchand, associatif, malgré le bien que j'en pense du point de vue de l'éducation que ça peut permettre aux uns et aux autres. L'histoire de l'IP, par exemple, n'a pas été réécrite, hein, la vraie histoire. L'expérience autogestionnaire de l'IP a été brisée délibérément par l'État et notamment par le Parti Socialiste. Et la CGT un peu. Et la CGT. Et l'appareil CFDT. Par tout le monde. Par la suite. Mais, c'est un mauvais exemple. Mais il ne fallait pas que ça marche, quoi. Oui. Il ne fallait pas. Oui, oui, puis en fait, je terminerai là-dessus. Oui, parce que on a parlé de l'IP, mais à l'époque, il y a quelque chose dont on a beaucoup moins parlé qui me paraît assez important. C'est des ouvrières enfin, qui étaient dans le domaine des tissus, qui étaient à Cerizay, ouais. Et qui s'étaient donné le nom de Pile. Enfin, l'IP à l'envers. Suite au licenciement, je ne détaille pas, de leurs délégués syndicaux qui ont repris la production, etc. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'au-delà de leur expérience, ça a vraiment créé un événement absolument extraordinaire dans la ville de Cerizay, où il y avait des gens qui étaient pour eux, contre eux. Il y a eu des problèmes dans les familles. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on commence à fonctionner différemment, d'une façon forte, comme elles ont pu le faire, c'est essentiellement des femmes dans leur vie du travail, ça a remis en cause énormément de choses, parce que la vie au travail, c'est aussi la vie, tout simplement. Et donc, c'était souvent des jeunes femmes qui se sont rejimbées, parfois contre leurs compagnons, parfois contre leurs parents, qui, goûtant une forme de vie où elles pouvaient investir un peu d'elles-mêmes et collectivement, elles ont remis en cause beaucoup de choses. Donc, il faut penser aussi à ça. Bon, je termine là-dessus, par rapport à tout ce qu'on évoque, il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque, il y avait quand même un certain nombre de soutiens, notamment dans le syndicalisme interprofessionnel, que certes, les gens avaient beaucoup plus d'envie, mais ils avaient quand même beaucoup plus de soutien aujourd'hui. Sait ce que le syndicalisme, en tout cas, les institutions sont devenues, quoi. C'est vraiment devenu un appareil au service de l'État, pratiquement. Juste un petit mot, au-delà de la solidarité interne aux entreprises et éventuellement au milieu familial, on voyait aussi comment le monde paysan, que ce soit au Joint français, que ce soit à Cerizay, que ce soit un petit peu à l'IP, s'associait avec les luttes ouvrières pour assurer la nourriture quotidienne. Donc il y avait une vraie solidarité de classe sur ces questions-là. To me today, send me a file. Mega upload. Check it out. Mega upload. Une info, un festival de Cannes là, qui se déroule actuellement, et un film justement sur l'IP qui est présenté, donc tout sous l'Arzac, qui retrace à la fois l'extension, enfin la lutte contre l'extension du camp militaire. Et l'élite, l'imagination au pouvoir sur l'expérience d'autogestion de l'entreprise horlogère de Besançon. Voilà, donc c'est, ça a été sélectionné dans le cadre du festival. La quinzaine des réalisateurs, quelque chose comme ça, non ? Oui, enfin, c'est pas précisé sur le papier là, du midi libre. Voilà, mais chacun, enfin, les différentes personnes, donc Pierre Burguière, entre autres, se réjouissaient de ce que ce film ait pu être sélectionné, quoi. Voilà, l'autogestion monte les marches, quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose d'intéressant, c'est qu'autour de cette lutte de l'IP et du Larzac, par exemple, au Larzac, on retrouvait effectivement des gens de l'IP, on retrouvait des gens de diverses organisations syndicales de base, unions locales et autres, on retrouvait des gens dans les milieux paysans, enfin, qui à l'époque s'appelaient les paysans travailleurs, qui sont devenus pour une partie, bon, maintenant, la Confédération paysanne. Enfin, je veux dire que c'était une période où, au-delà de toutes ces expériences, il y avait quand même des échanges entre elles, si ouais. tu veux. Bon, certes, il n'y avait pas partout des choses comme le Larzac qui a pu faire que beaucoup de gens se sont retrouvés là-dessus. Et ça créait... parce que les échanges, c'est quand même quelque chose d'assez important. Faire une expérience dans son coin, c'est extraordinaire pour les individus qui la partagent, dans la mesure où elle est réussie, bien sûr. Mais échanger avec d'autres, j'ai l'impression que la période est moins à ça, quoi. Même, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui se font. J'espère que certains vont nous appeler, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont envie d'échanger avec d'autres dans d'autres secteurs. Je sais pas. C'est peut-être la vieille Europe qui est faite. Parce que c'est quand on regarde ce qui se passe en Amérique latine, absolument. Autre chose. René faisait allusion à l'Argentine, où il y a des choses tout à fait intéressantes. Autour du Chiapas, c'est quand même une zone qui est grande comme la Belgique et auto-organisée par les peuples. En Bolivie, si j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et le Chiapas même, existe encore, alors que la Belgique n'existe plus. Voilà, Waraka, durant la grande lutte qu'ils ont menée pendant plus d'une année, beaucoup de choses étaient autorisées. La Belgique, c'est maintenant qu'elle existe. Bah oui, elle s'est débarrassée de son gouvernement. Ça fait un an. Je trouve ça stupéfiant que le mouvement libertaire ne tape pas sur ce clou. Ouais, pour je pense que faut pas pour ceux qui connaissent un peu l'organisation fédéraliste belge, il y a autant d'États que de communautés. C'est-à-dire qu'il y a un État flamand, il y a un État wallon, il y a la communauté autonome de Bruxelles et la petite communauté germanophone qui sont gérées, alors pas forcément de manière centralisée et très étatique, mais reste qu'il y a un appareil d'État qui fait fonctionner cette Belgique qui n'a plus d'appareil d'État central, qui a toujours un appareil d'État. Les cantons suisses, on pourrait dire la même chose. L'État fédéral suisse est extrêmement faible. Reste que c'est pas du fédéralisme libertaire, c'est du fédéralisme d'une autre nature. Et pour poursuivre sur ce que disait Hugues, il n'y a pas que l'Amérique du Sud. Hein, là, récemment, au 1er mai à Paris, à la manifestation anarchiste, était présent un camarade de Dakar. Donc un camarade sénégalais qui nous expliquait que là-bas aussi ces idées-là commençaient à s'implanter et à se développer. Alors ils sont pas très nombreux, ils démarrent aussi un petit peu là-dedans. Mais par contre, un phénomène assez intéressant, c'est que eux sont plutôt en découverte et en recherche de théories à poser sur des pratiques qu'ils ont déjà plus ou moins, parce que on va dire que la déliquescence économique de cette région du monde fait que les gens s'auto-organisent parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Hein. Et on voit des projets assez intéressants se mettre en place. Eux avaient pas mal travaillé sur l'auto-organisation du ramassage d'ordures, par exemple. Sur de l'élevage de poules aussi, voilà, donc des exemples qui peuvent paraître comme ça assez, assez surprenants, mais n'empêche que là-bas aussi ça bouge, et dans une optique assez libertaire, donc c'est à souligner que c'est pas seulement en Europe ou en Amérique du Sud ou du Nord que ça bouge aussi dans ces coins-là. De toute façon, on est remonté à des choses très récentes, mais quand on regarde les sociétés anciennes, il y avait des tas de lieux où des pratiques de type autogestionnaire ou d'auto-organisation de villages existaient, que ce soit en Ariège, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est-à-dire que, et quand on regarde le mouvement anarchiste, c'est souvent implanté dans des lieux où il y avait des traditions communautaires proches de ce qu'on peut dire et qu'on a théorisé ultérieurement, que ce soit les Ukrainiens ou que ce soit les Andalous. Hein. Donc on est aussi un ferment historique de pratiques sociales sur lequel l'anarchisme s'est construit et qui renvoie probablement à des pratiques multimillénaires. même si aujourd'hui elles sont en déperdition malheureusement. C'est un peu, je crois que René l'avait évoqué tout à fait au début, il y a effectivement des zones extrêmement importantes où que le capitalisme a complètement abandonné, plus ou moins, enfin en tout cas exploite peut-être une partie, mais je crois que d'ailleurs il y a un Américain, je ne me rappelle plus son nom, qui a dit qu'en gros, sur la planète, il y avait besoin de tant de milliards d'individus, que les autres finalement il n'y avait pas besoin, quoi. Il ne fallait peut-être pas s'en débarrasser comme ça, mais en gros les laisser crever de faim, quoi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des zones entières, que ce soit en Afrique ou ailleurs, où les gens, de toute façon, survivent parce que justement, il y a une solidarité, il y a des tas de choses, il y a même une inventivité, une réutilisation de tout un tas de matériel, de matériaux divers, etc. Et effectivement, le problème, c'est que c'est souvent dans des zones un peu délaissées par le capitalisme, quoi, alors que ce soit dans les domaines agricoles ou dans des domaines comme ça. Ceci étant, il y a effectivement des gens dans ces zones-là qui font des choses, mais en plus, qui ont peut-être envie justement de se poser des questions au-delà de leur survie, au-delà de parce que en fait c'est souvent une survie, quoi. Et qui ont aussi compris l'intérêt de communiquer avec d'autres initiatives, voilà, un petit peu partout dans le monde, hein. C'était d'ailleurs le sens du périple en France de ce camarade de Dakar, hein, qu'on salue au passage. Effectivement, voir d'autres choses, confronter des expériences, des idées, des pratiques différentes, alors forcément parce que le cadre est différent, mais en même temps, lier tout ça, c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, ils sont en train de lancer, eux aussi, une radio là-bas, donc sur un mode autogestionnaire à Dakar. Voilà. Mais aussi, Serge, tu le savais, puisque Radio Libertaire a envoyé du matériel là-bas. On leur a offert un petit peu de matériel. Oui, c'est ça. On remercie John, d'ailleurs, qui a été l'envoyé spécial pour amener la radio. Voilà. Même s'il ne nous écoute pas, d'ailleurs, on le remercie quand même. Oui, effectivement, il y a toutes ces expériences-là. Mais je pense qu'il y a... au-delà de ce que j'ai dit là, il y a quand même une prise de conscience. Enfin, tu parlais du Sénégal, mais bon, je parle un peu de l'Amérique latine. Si on prend par exemple les communautés indigènes qui depuis 500 ans en prennent plein la gueule, les résistances qu'ils ont opposées, y compris parfois par les armes, et quand ils sont vraiment acculés, étaient souvent des résistances, un mode d'organisation qui restait localisé à travers telle communauté qui regroupait tel ou tel village. Or, je pense que là, ils sont passés à un espace, un niveau supérieur, puisque l'organisation Zapati, c'est une organisation qui a quand même, c'est peut-être pas énorme, enfin, qui regroupe entre 600 000 ou 800 000 villages, 800 000 personnes qui vivent dans tous ces villages, qui sont de diverses communautés et qui sont tellement acculés par le capitalisme, y compris pour récupérer leurs terres, etc., etc., qu'ils en sont arrivés à mettre en place un mode d'organisation qui est tout à fait un mode d'organisation que nous, on peut prôner. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des villages qui prennent un certain nombre de discussions d'une façon horizontale, de position dans divers domaines, que ce qui ont pris en charge l'éducation, etc. Bon, enfin, ça, on en a parlé suffisamment dans la presse. Ce que je veux dire, c'est que toutes les communautés un peu dont on a parlé, les communautés villageoises, les communautés les communautés indigènes dont je parle, ont défendu leur mode de vie, mais souvent d'une façon relativement isolée. Et je pense qu'il y en a de plus en plus qui se posent des questions pour pouvoir survivre. Il va falloir fédérer d'une façon ou d'une autre ces choses-là. Et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'apparaître de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Par exemple, on a un compagnon cubain qui est actuellement en France, puisqu'on a parlé d'autogestion à Cuba, je crois que ce soit Stéphane qui a dû évoquer. Les compagnons, avec d'autres, sont en train de prendre l'État cubain au mot. Ils disent oui, l'autogestion, nous on est pour. Et ils ont un certain nombre de propositions concrètes. à mettre en place. Je passe sur les détails. On a fait une émission là-dessus où ils ont expliqué leur projet alternatif. Ça aurait été impensable, je pense, il y a quelques années. Et ce compagnon est venu en France pour échanger, etc. Il s'intéresse beaucoup à ce qui peut se passer, évidemment, dans d'autres pays d'Amérique latine, mais aussi, pourquoi pas, au Sénégal et des choses comme ça. Et ça, je crois que c'est quand même un peu nouveau. Cette envie de pas, peut-être acculé par le système. La survie aujourd'hui, à terme, une survie isolée, à mon avis, est condamnée. C'est d'ailleurs ce qui se passe depuis quelques années avec toutes les tentatives d'intersquat, hein, si on veut reparler du milieu squat, où eux ont bien compris aussi toute l'utilité de s'unir, parce que forcément, de façon isolée, on est totalement vulnérable. Donc on l'a vu à ce niveau-là, mais même à des niveaux, on va dire, culturels ou contre-culturels, hein, pour ce qui est d'organisation de tournées, de concerts, etc., de coproduction avec... pour ce qui est de certains labels alternatifs, etc. Là aussi, encore une fois, il y a une forme de fédéralisme qui se met en place, hein, de fonctionnement horizontal, non hiérarchique, etc. Encore une fois, des expériences dans des domaines différents qui peuvent s'imbriquer, qui parfois aussi se rejoignent. Donc, je pense que c'est quand même... Ce sont quand même des tentatives, certes morcelées, mais qui portent déjà en elles des tentatives je dirais pas d'unification, mais en tout cas de communication et d'organisation à une plus vaste échelle. Alors ça reste encore assez marginal. Et puis surtout, une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est que... on est quand même plongé dans un système qui n'est pas un système libertaire, et donc quand bien même des expériences, même réussies, autogérées, ont lieu, effectivement, on peut en tout cas continuer à se poser la question du sens que ça peut avoir dans un système qui, lui, continue à fonctionner de façon écrasante sur un mode capitaliste. Hein, donc là aussi, ça reste à relativiser. Oui, et puis il faut pas oublier non plus que le capitalisme cultive ses marges. C'est-à-dire que justement, dans bien des domaines, et particulièrement, je vais prendre l'exemple du domaine qu'on dit contre-culturel. Bon, c'est pas un terme qui veut dire grand-chose. Ça signifie pas, c'est pas très significatif, quoi. Mais dans la scène alternative, qui depuis un peu plus 30 ans, reste vivante, le système capitalisme a largement cultivé ces marges-là pour extraire ce qui pouvait lui être intéressant, lui rapporter, et ensuite en opérant justement en faisant cette culture et en opérant ces retraits réguliers, c'est aussi ce qui contribue à décrédibiliser ou en tout cas à vider une bonne partie de la substance de ces expériences-là. Donc bon, il faut en parler avec un certain recul, même si je te rejoins, hein, c'est bien pour ça que je dis qu'il faut relativiser aussi, voilà. Tout ça, hein. Mais bon, ça reste tout de même à soutenir, évidemment, dans la mesure où quand on s'y intéresse et quand on suit ça de près, on voit bien que les uns et les autres partagent les mêmes luttes, les mêmes idées dans l'ensemble, à quelques exceptions près, c'est toujours le cas, quoi. Ouais, cela dit, je pense que c'est vraiment de la gestion des marges. Oui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est nécessaire de laisser des choses se développer aux marges pour éviter que ces marges se radicalisent. Si on interdisait ces mouvements-là et si on les réprimait, il est probable qu'il y aurait des systèmes de radicalisation, à l'allemande éventuellement ou à l'italienne. En les laissant à la périphérie, ça gêne personne. Aux États-Unis aussi, il y a plein de micro-sociétés. Alors, c'est ce que disait René par rapport à la Californie et ce mode économique. Ça veut dire qu'on laisse faire. Tant que c'est pas dangereux, on laisse faire. Donc, dès que ça prend le pas sur l'organisation telle que le capital la souhaite, il réprime. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, sachant qu'effectivement, en plus de ça, ils vont repérer ce qu'ils appellent, eux, le bon grain de livret pour éventuellement faire du pognon sur tel artiste ou sur telle expérience, parce que ça peut s'intégrer dans leur système d'exploitation, quoi. Hein, donc c'est des gens redoutablement intelligents. Oui, effectivement. Moi, je donnerai deux exemples. Quand les choses deviennent sérieuses, l'État intervient. Un exemple, à l'Est, à l'Ouest, hein, on a le droit de taper des deux côtés. Quand Solidarność, disons à la fin de l'année 80, il n'a peut-être pas parlé d'autogestion, je ne sais pas s'ils ont employé le terme, enfin, ont commencé à dire, bon, tu parlais d'énergie, René, ils ont commencé à dire, bon, puisque finalement, ils avaient quand même 10 millions de syndiqués, hein, donc ils avaient des marges de manœuvre assez fortes, ils ont dit, bon, on va regarder justement la distribution de l'énergie, et ils s'étaient aperçus que l'énergie était donné beaucoup pour des industries qui travaillaient pour l'exportation, pour envoyer un certain nombre de choses en URSS et pour la consommation du pays. En général, c'était le parent pauvre. Donc, ils ont commencé à titre expérimental dans un certain nombre de régions, notamment la région de Łódź, je connaissais bien, à redistribuer un petit peu différemment l'énergie, etc. etc. Évidemment, ça n'a pas plu du tout au grand frère de l'URSS. D'ailleurs, j'ai assez curieusement, j'ai une dépêche ou je sais pas quoi de la Chanstas qui accusait Solidarność d'être anarcho-syndicaliste. Et donc, il y a eu l'état de guerre, intervention militaire. Donc là, dans ce cas-là, il fallait pas laisser du tout se propager ça, puisque c'était l'objectif. Ce qui s'est mis en place est d'ailleurs très peu connu, même dans les milieux libertaires. Enfin, moi, j'étais au congrès où, disons, ces décisions étaient prises. Bon, ça, c'est un premier exemple. Ça commençait à devenir sérieux, là. Bon, un autre exemple, tout à fait dans un autre continent et un autre domaine, qui se passe relativement récemment, puisque c'était en 2003 en Bolivie, où au-dessus de la Paz, c'est construit, enfin, il y avait peut-être 100 000 habitants, enfin, il y avait une petite ville pour là-bas, qui s'appelle El Alto, tout simplement, mais c'est au-dessus de la Paz, je crois que c'est à 4000 mètres. Et compte tenu des conditions économiques qui est faites au peuple indigène, des peuples indigènes sont venus, mais des villages entiers sont venus, c'est-à-dire, cette ville est passée rapidement un million pratiquement d'habitants, et ils ont créé pratiquement leur ville, c'est-à-dire ils ont créé leur quartier avec des places où les décisions étaient prises en commun. Dans un premier temps, l'État a un peu laissé faire ça. Mais comme la politique de l'État, c'était, alors ça, vous avez sans doute entendu parler de ça, c'était de privatiser l'eau, entre autres choses. Donc, ces gens-là qui s'étaient organisés pour l'eau, on a voulu leur faire payer des sommes folles. Enfin bon, donc ils se sont révoltés. Et il y a eu une bagarre absolument énorme, qu'on peut voir d'ailleurs dans quelques films, qui est assez intéressante, dans la mesure où, en plus, ce fonctionnement collectif et communautaire qu'ils avaient pour gérer leur ville, en fait, pour la construire, pour gérer à la fois le commerce, etc., ils l'ont utilisé aussi dans leur lutte. Enfin, pour ceux que ça intéresse, je renvoie un bouquin de Raoul Zibeki qui s'appelle Disperser le pouvoir et qui décrit tout ce que j'évoque là. Mais à partir du moment, donc, alors je ne dis pas que l'État laissait faire cette autonomie, hein, ça ne devait pas trop leur plaire, mais à partir du moment où ils sont heurtés de front à la politique économique qui était de privatiser l'eau pour faire du fric, d'ailleurs je crois que c'était une société française, il me semble bien, qui était là-bas, là ça a été la castagne, quoi. Ceci étant, dans un premier temps, la castagne, ils l'ont gagnée. Les communautés indigènes l'ont gagné, le président de la République s'est tiré à l'étranger. Justement parce qu'ils avaient construit leur vie d'une certaine façon, parce qu'ils avaient une vie solidaire, etc. Mais je veux dire que quand on commence à attaquer les choses sérieuses, on se trouve confronté à l'État. Est-ce qu'un État, on sait ce que ça veut dire dans ces cas-là, quoi. Voilà, donc je vais donner deux exemples. Comme le disait René tout à l'heure, si l'État, s'il y a eu un coup d'État franquiste aussi, c'est qu'on commençait à s'occuper des choses sérieuses en Espagne. Voilà. Moi, les anciens que j'ai pu rencontrer me disaient, s'il y a eu le coup d'État, entre autres raisons, c'est qu'une génération de plus de cette culture libertaire se répandant sur le sol ibérique serait sans doute une force telle que l'État traditionnel ne pourrait pas y résister, qu'il fallait arrêter très vite et au plus vite cette progression des idées de révolution sociale. Alors après, bon, est-ce que ça vaut ou pas, j'en sais rien, mais c'est ce que disaient certains vieux camarades anarchistes espagnols. Today's me today. A évoqué le nom d'Ambiance Bois et bon, j'ai pas eu directement au téléphone, j'ai envoyé un mail, donc je sais pas s'ils appelleront, peut-être qu'ils sont au téléphone, ils corrigeront ce que je vais dire, mais là en tout cas ce que je vais dire c'est ce qu'il y a sur leur site. Ça me paraît intéressant quand même, même si c'est une démarche limitée, comme on a pu le dire, par le nombre. Mais c'est une démarche qu'ils veulent politique, donc à la fois économique et politique. Donc je vous lis leur texte de présentation. Donc la création de l'entreprise en 1988 visait, aux yeux de ses fondateurs, à expérimenter d'autres manières de travailler qui puissent répondre à leur volonté de vivre le travail sous des modalités différentes de celles qui régissent habituellement le monde de l'entreprise. Hiérarchie, sectorisation des rôles, inégalité des salaires et des responsabilités, pouvoir de décision réservé aux détenteurs de capitaux, etc. etc. Cette volonté portée par les fondateurs a toujours été au cœur du projet d'Ambiance Bois. Et c'est autour d'elle que se sont retrouvées les personnes qui ont rejoint l'entreprise depuis sa création. Ce faisant, nous renouons avec le projet des coopératives ouvrières du 19e siècle, avec l'utopie autogestionnaire, autogestion, des années 1970, la critique plus radicale de l'économie développée dans les dernières décennies du 20e siècle et aujourd'hui celle des mouvements altermondialistes. Mais nous ne voulons pas séparer la réflexion de l'action, le discours de la pratique. Dans un contexte général qui considère que le rôle principal d'une entreprise est de générer du profit et des richesses, Ambiance Bois met en pratique, avec heure et bonheur, la recherche d'une dynamique sociale et solidaire au sein de l'entreprise. C'est l'économie et l'argent au service de l'homme, et non le profit comme seul objectif, et l'homme comme outil subordonné à cet objectif. Ainsi, tout en étant contraint, comme dans toute entreprise, par les bilans financiers, les commandes, la productivité, nous décidons de la conduite de l'entreprise en fonction de critères non exclusivement économiques. Donc, je vous les lis rapidement. Voilà, donc dans le concret, une gestion collective de l'entreprise. Les principales décisions sont discutées et assumées par l'ensemble des personnes qui travaillent. Des salaires égaux. Le choix d'une égalité dans les prises de décision et dans le partage des responsabilités induit l'adoption d'un salaire identique pour tous. Le partage des tâches, en particulier celles qui sont les plus pénibles et les plus répétitives et auxquelles tous les salariés de l'entreprise participent. La polyvalence, elle permet à chacun, selon son souhait, d'exercer dans l'entreprise des tâches variées et de ne pas être cantonné à un poste unique. Le temps partiel, il est favorisé pour tous ceux qui souhaitent conserver du temps pour d'autres activités familiales, associatives ou militantes. Le choix de notre PDG. Ah, intéressant. Chaque année, notre président-directeur général ou notre présidente directrice générale, pourquoi pas, est choisie par tirage au sort, comme je vous l'avais dit, je crois, tout à l'heure, parmi les membres volontaires de l'équipe de travail, n'ayant pas occupé ce poste antérieurement. Cette rotation nous permet de manifester vis-à-vis de l'extérieur, sur un poste hautement symbolique, que nous nous sentons tous co-responsables de notre entreprise, non seulement lorsqu'il s'agit de sa gestion, mais également au regard de la loi. Donc des critères de fonctionnement relativement intéressants. Donc ce qui est intéressant en plus dans cette expérience, c'est quand même sa longévité, puisque ça fait à peu près 23 ans que ça existe. Et qu'en plus, ils ont au-delà de leur activité, ils ont réussi à remettre toute une activité dans un village. Enfin bon, je passe tout ce qui est autour. Donc ça, je pense que c'est quand même une expérience intéressante sur un certain nombre de critères dans lesquels on peut effectivement se retrouver. Voilà, donc c'était pour donner un petit exemple. Je crois d'ailleurs qu'il y a un livre, ils ont fait un livre autour de leur expérience qui est sorti il y a quelques années. Enfin, je ne sais pas, Hugues, si tu te souviens. Enfin, je l'ai vu à Publico il n'y a pas très longtemps. Enfin, 3-4 ans, je crois. Et la marmite à Jean-Béry, alors, c'est quoi Alors, oui, ça, c'est un autre projet autogéré, mais qui a une autre particularité, c'est-à-dire que c'est un projet monté par le groupe de la Fédération anarchiste de Chambéry. Et donc, ce projet est à la fois une expérimentation et en même temps un outil de lutte. Hein. Donc, l'idée du projet, c'était que ça partait du vague, hein, le village autogéré qu'il y avait eu à Évian contre le G8 ou G20, je ne sais plus si c'était... Ouais, enfin, ouais, voilà. Et donc, les camarades sur place avaient constaté que finalement, c'était souvent autour d'une table que les échanges étaient les plus riches et les plus intéressants. Et, surtout si elle est bien garnie. Voilà, et que les projets naissaient, se construisaient, etc. Donc, partant de ce constat, Le groupe de Chambéry de l'AFA avait donc décidé de monter une cantine ambulante, hein, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans un lieu fixe, mais elle pouvait se déployer à des endroits divers et variés, notamment sur les piquets de grève et autres lieux de lutte. Et donc le principe c'était que non seulement les gens mangeaient ensemble, mais faisaient à manger ensemble surtout. Toute la préparation était donc mise en place avec les gens sur place, sur le lieu d'une grève par exemple. Et c'était assez intéressant parce qu'au-delà du temps partagé, ça posait quand même tout un tas de questions de fonctionnement, hein, depuis la préparation jusqu'à la fin du repas. Et donc c'était quelque chose d'assez riche en expérience. Alors ça existe toujours. Oui, et voilà, je voulais te poser une question parce que je t'entendais en parler au passé, mais ça existe toujours. Oui, tout à fait, ça existe toujours. D'ailleurs, la dernière en date a eu lieu le 1er mai. Hein, c'est devenu maintenant un petit peu un rituel sur Chambéry, la cantine autogérée des Anards au 1er mai. Il y a de plus en plus de monde chaque année, donc on se demande jusqu'à quand ça va devenir... enfin voilà quoi, pour l'instant c'est parti de pas grand chose, mais c'est vrai que ça grossit d'année en année et c'est en train de devenir le rendez-vous incontournable du 1er mai à Chambéry en tout cas. Mais je crois qu'il il serait peut-être utile d'expliquer aux auditeurs ton emploi du passé. C'est parce que tu as participé à la création de la chose et tu as déménagé depuis. Voilà, donc j'étais à la naissance du projet, hein, donc depuis je suis parti, mais ça continue sans moi. Et effectivement, c'était un truc assez intéressant et ça l'est dans le sens où ça a permis de rencontrer pas mal de gens qui ne sont pas des anarchistes et qui, justement, par ce biais-là, venaient rencontrer des anarchistes et surtout venaient se frotter à certaines pratiques. Donc ça, c'est un aspect assez intéressant. Non seulement en termes de propagande, mais en termes d'expérimentation par des gens qui ne sont pas des libertaires. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les fournisseurs de nourriture sur cette marmite sont le plus souvent des scopes ou des micro-entreprises elles-mêmes autogérées plus ou moins officiellement, en bio, local, etc. Et donc ça permet aussi de créer du lien entre consommateurs, producteurs, ça met en place des circuits courts. Et tout ça fait aussi partie des questions qu'on doit se poser quand on décide d'autogérer quelque chose, hein, c'est-à-dire... non seulement comment on gère, mais pourquoi on le fait, comment on le fait, de quelle façon, avec qui. Voilà, donc ça, c'est une expérience assez intéressante. Alors, pour les auditeurs que ça intéresse, vous pouvez taper FA73... Pas trop fort, alors. Voilà. Gentiment. Gentiment, sur votre clavier. Voilà, vous tapotez FA73 sur un moteur de recherche, vous tomberez sur le site de la Fédération anarchiste de Chambéry, où une partie du site est dédiée, justement, à cette cantine qui s'appelle La Marmite. Voilà. C'est un joli nom, parce que, en fait, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais un ancien camarade qui est mort depuis, il s'appelait Eugène Varlin, avait créé un peu avant la commune, justement, parce que il avait beaucoup réfléchi à l'aspect justement de ce lien entre producteurs et consommateurs, et donc il avait créé ce qu'on appelle la marmite de Gênes avec sa compagne. Malheureusement, non, ce qui s'est appelé la marmite de Gênes, c'est autre chose, c'est très récent. Enfin, en tout cas, il avait créé la marmite. Voilà, la marmite tout court. Et plus récemment, effectivement, à Montreuil, s'est créé la marmite de Gênes en mémoire de cette expérience. Et c'est quand même, des repas populaires à bas prix qui étaient gérés par sa compagne. Je ne me rappelle plus son nom, Manix. Nathalie Lemel. C'est Nathalie Lemel, c'est ça. Et c'est aussi la tradition des soupes communistes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait la marmite avec Varlin, il y avait une autre marmite, je ne sais pas quoi, à Lyon. C'est-à-dire qu'il y a dans un centre de quartiers ouvriers des villes, des grandes villes, des lieux de restauration collective à bas coût. Pour faciliter soit les luttes. Et ça avait quand même une grande ampleur. Je crois qu'il y en avait 4 dans Paris. Il y avait plusieurs milliers de coopératives de consommation tout à fait importantes. Mais non, ils ne le savaient pas, les Chambériens. Un jour, je discutais avec Sophie, qui est une de nos camarades là-bas. Je lui dis : pourquoi la marmite, ça a un rapport avec ? Elle dit : oh, ben, je ne crois pas. Voilà. Donc, apparemment, le lien s'est fait un peu naturellement. entre les pratiques d'Eugène Varlin et de sa compagne, et puis de nos compagnons. Et cette marmite a bien servi pendant la Commune de Paris, d'ailleurs, pour nourrir les insurgés. Et je voulais poser une autre question à Bibo, parce que là, il a été question de repas à bas coût concernant la marmite d'Eugène Varlin. Mais vous, à Chambéry, quand vous avez démarré et maintenant, comment ça se débrouille pour les frais, les coûts, le prix des repas ? Alors, depuis le départ jusqu'à maintenant, et c'est bien parti pour continuer, ça fonctionne à prix libre. Voilà. Alors, avec tout de même quelques limites, puisque l'achat des marchandises, elle, se fait à un tarif négocié, parce que forcément, quand on achète en quantité, on arrive à obtenir des très bons tarifs. Ce qui fait que la marmite réussit à faire des repas bio à prix libre. Et malgré tout, on arrive à dégager un petit peu d'argent qui, sur le lieu d'une lutte, peut permettre aux gens de tenir un peu plus ou d'acquérir du matériel, etc., pour suivre la lutte. Voilà. Et je suppose qu'est indiqué le prix de revient du repas pour donner une idée pour le prix libre, non ? Alors, on ne l'a pas toujours fait, d'après mes souvenirs. Alors, je ne sais pas s'ils le font de façon plus systématique maintenant. Mais en tout cas, voilà, je pense que finalement, l'argent était un petit peu un souci secondaire sur ce projet. Mais en tout cas, l'argent n'a jamais posé de problème sur ce projet. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose à souligner, c'était voilà. Et puis ce que moi en tout cas je trouve intéressant sur ce projet de marmite à Chambéry, c'est que là l'autogestion on la vit comme outil de lutte, mais aussi on la partage. Et ça c'est quelque chose d'assez à mon sens assez pertinent. On a vu pas mal de gens qui n'étaient pas du tout militants ou des militants syndicalistes mais pas forcément libertaires pour qui la vision qu'ils avaient des anarchistes a profondément changé depuis cette expérience. On a vu des gens du coup prendre un petit peu plus au sérieux certaines propositions, se dire ah bah oui finalement c'est pas mal, et puis la convivialité du projet fait aussi que en se connaissant d'autres projets naissent, se fédèrent, se connectent, etc. Ça fait partie, je pense, d'une démarche qui selon moi est vraiment importante quand on parle d'autogestion, hein. C'est-à-dire faire de l'autogestion dans sa tour d'ivoire, on peut pas dire que c'est que ça soit tellement intéressant. Par contre, faire de l'autogestion, ça marmite enfant. Faire des bonnes digestions. Je trouve que cette expérience est extrêmement intéressante. C'est en même temps un outil de propagande. Mmh. Et elle met en contact, si on peut dire, des militants qui ont eu l'idée de faire ça et des gens normaux, si je peux dire, c'est-à-dire pas anarchistes, quoi. Mais on est tout à fait normaux. Ça les met en contact, et puis ça, c'est un outil de propagande remarquable, je trouve. Et d'ailleurs, les gens normaux se rendent compte que les anarchistes aussi sont des gens normaux. Absolument. C'est un peu ce qui se passe aussi à Montreuil autour de la coopérative qu'ont monté d'autres copains qui s'appelle la Conquête du Pain. Donc à la fois, cette Conquête du Pain fait du pain de qualité. Sert un certain nombre d'AMAP de la région parisienne, donc se lie avec d'autres modalités d'auto-organisation. Et sont allés sur un certain nombre de piquets de grève, distribuer gratuitement du pain aux grévistes pour faire les sandwichs. Mmh. Donc là aussi, ça crée du lien social au-delà des pratiques autogestionnaires, et nous montre sous un jour que certains d'entre nos ennemis ne connaissent pas, quoi. Oui, pour compléter sur la boulangerie qui s'appelle La Conquête du Pain de nos camarades de Montreuil, les connexions se sont faites aussi avec le milieu militant, forcément, le milieu des AMAP, le milieu de concerts aussi alternatifs, mais ça s'était fait aussi avec les Roms de Montreuil, ça s'était fait avec les grévistes de Grand-Puy pendant la lutte des retraites, et donc effectivement, encore une fois, autogestion, connexion, rencontre, je crois que c'est là où on peut être optimiste aussi, malgré toutes les difficultés actuelles, c'est que on se rend compte que ce genre d'initiative suscite d'abord de la sympathie. Ça, c'est quelque chose d'assez important qu'il faut absolument pas sous-estimer. Ça suscite de la convivialité. Parce que c'est vrai que quand sur une lutte où les gens bavent un petit peu, d'autres camarades arrivent avec non seulement plein de discussions sur autogestion, mais aussi du pain plein les bras, et ben ça fait plaisir aussi. Voilà. Et je pense que tout ça, ça fait partie d'un tout. Hein, pas mal de gens ont besoin, je pense, de perspectives réelles, concrètes, mais aussi ont besoin de convivialité. C'est-à-dire que on a besoin de ça aussi pour vivre mieux ici, maintenant, actuellement. Donc ça, c'est. Sachant que la conquête du pain, c'est aussi un grand texte de Kropotkin. Alors le texte vaut ce qu'il vaut. Alors là, ils voilà. ont fait exprès, par contre. Et que les compagnons, c'est ceux qui partagent le pain. C'est quand même pas par hasard ouais. qu'on s'appelle comme ça dans notre mouvement. Parce que camarade, c'est quelqu'un qui parle chambre. Ouais, c'est une espèce de chambrée bon. De mâle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ça sent les pieds et tout. Apparemment, il y a un appel, c'est ça, Monique ? Oui, voilà, nous avons en ligne, prêt à passer à l'antenne, Pascal du lycée autogéré de Paris. Bonjour Pascal, tu nous entends ? Oui, moi je vous entends, et vous, je sais pas. Ah ça. Oui, très très bien, on te reconnaît même. D'accord, impeccable. Alors oui, on n'a pas du tout parlé du lycée autogéré puisqu'on attendait ton appel, donc je pense que tu es le mieux placé pour parler. Alors peut-être, bon, il y a sans doute certains auditeurs qui ne connaissent pas du tout, donc au-delà peut-être des luttes actuelles, et vous êtes venu, je crois, une ou deux fois sur les antennes de Radio Libertaire, peut-être que tu parles un petit peu de l'origine de ce lycée et puis de ses pratiques. Hein. D'accord. Alors le lycée autogéré, c'est une expérience qui va fêter ses 30 ans en juin 2012, donc l'an prochain. Mmh. Donc ça a commencé en 1982, en même temps que trois autres expériences alternatives dans l'éducation, qui sont des expériences plus ou moins proches de pratiques autogestionnaires. Il y a notamment le lycée expérimental de Saint-Nazaire qui, bien que ne prenons pas directement l'autogestion, nous parlons plutôt de co-gestion, a une pratique assez proche de la nôtre, où élèves, enseignants, enfin ils disent pas enseignants, ils disent membres de l'équipe éducative, prennent en charge ensemble, collectivement, un lieu et décident d'en faire autre chose. Et deux autres expériences qui, elles, sont plus des expériences pédagogiques que des expériences intégrant une partie gestion collective et autogestionnaire. Sur le départ du projet du lycée, il y avait un certain nombre de personnes qui se sont retrouvées, qui avaient envie de faire des choses radicalement différentes de ce qui se fait dans l'éducation la plupart du temps, à savoir que pour des élèves et des profs, ce qui était proposé était assez mal vécu, dans la mesure où l'école est un peu à l'image de la société dans laquelle elle se trouve, avec tout son lot de sélection, de brimades, d'ennuis, enfin ça chacun connaît un peu des réalités bien souvent compliquées. Donc il y avait la volonté de faire quelque chose de très différent au niveau de l'école et puis de le faire avec une pratique autogestionnaire. Donc ça signifie que élèves et enseignants, on se retrouve, alors pour donner quelques informations, actuellement il y a 230 élèves et 25 enseignants et deux personnels non enseignants qui travaillent au lycée. Voilà, on prend en charge l'ensemble de la gestion du lieu, sans hiérarchie classique qu'il peut y avoir dans un établissement, puisqu'il n'y a pas de proviseur, il n'y a pas de surveillant non plus. Et au niveau du fonctionnement, on a aussi rejeté tout ce qui peut être des choses comme les notes dans l'éducation, enfin un certain nombre de choses qui font qu'on fonctionne de manière très très différente. Donc vous le projet pédagogique, c'est-à-dire vous le définissez en commun avec les élèves ou vous êtes quand même pris par un cadre particulier ? Le projet pédagogique, il est avant tout porté par les profs. Alors les élèves ont tout à fait la possibilité d'intervenir, de discuter, de donner leur avis. maintenant, de par une différence de statut et une différence de temps de présence sur l'établissement, c'est-à-dire que les profs, on est là, on va dire globalement, certains sur 10, 15 ans, même certains, pas tout à fait le début maintenant, mais quasiment les débuts, donc quasiment une trentaine d'années, il y a quelque chose qui joue dans la continuité, et il y a aussi un autre facteur qui fait que les profs n'ont pas tout à fait la même place dans la définition du projet pédagogique, c'est que en fin d'année, après en cours de fin juin, début juillet, on se réunit et les élèves sont invités à participer à ces réunions, mais bien souvent ils sont aussi sur d'autres lieux et donc il y a assez peu d'élèves. Et c'est là qu'on pose un certain nombre de jalons de comment on va fonctionner sur l'année à venir. Et donc il y a un cadre qui est globalement posé par des profs et qui après qui peut tout à fait être questionné par des élèves, interrogé, discuté. Ça, il n'y a pas du tout de problème à ensemble s'interroger sur comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, un peu les raisons de notre existence. Il y a dans le principe une égalité sur un certain nombre de décisions entre les élèves et les profs, puisque quand on est amené à faire un vote, la voix d'un élève et la voix d'un prof, l'une ne vaut pas plus que l'autre. Après, sur l'ensemble des choses sur l'année, il y a quelques petites différences. Et sinon, les élèves travaillent en collectif, comment ça se passe? Moi, je connais un peu mieux, en fait, le fonctionnement du lycée TGR de Saint-Nazaire, expérimental. J'ai eu l'occasion d'y aller parce que j'avais des copains dans le coin, enfin bref. Comment ça se fonctionne? Est-ce que c'est par des thèmes choisis, qu'il y a des collectifs d'élèves soutenus par un prof? Comment ça se passe? Là-dessus, on est un peu, on fonctionne un peu différemment par rapport à Saint-Nazaire, dans la mesure où là, à Paris, il y a un certain nombre d'activités qui se font en groupe pédagogique. Les groupes pédagogiques, ça correspond à ce qu'il y a dans un lycée traditionnel, seconde, première ou terminale. Il faut savoir que nous, on essaye d'ouvrir le champ des activités, du scolaire, sur pas mal de choses, mais que parallèlement à ça, les élèves qui viennent au lycée, et c'est lié un peu à la pression sociale, ont une demande très forte de préparation au bac. C'est-à-dire que sur, je sais pas moi, 100 élèves qui viennent au lycée, il y en a près de 95 qui vont demander à venir ici, en partie aussi pour avoir le bac. En partie d'ailleurs parce que dans d'autres lieux, on les avait mis à l'écart, on leur dit, toi, de toute façon, tu pourras jamais passer le bac. Donc il y a cette volonté aussi de reprendre. Donc les activités elles s'orientent autour d'un cursus qu'on peut dire classique, avec des manières de fonctionner qui elles sont très différentes. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant le fonctionnement collectif, la disposition dans le groupe pédagogique est complètement différente de ce qu'on peut avoir dans une pédagogie frontale où il y a une estrade et des élèves face au professeur. Là, on se dispose de manière à ce que tout le monde puisse intervenir. On essaie aussi de mettre en place tout ce qui est pluridisciplinaire. Maintenant, par rapport à Saint-Nazaire, eux, chaque quinzaine propose un certain nombre d'activités, remettent dans le pot ces activités tous les 15 jours. Nous, c'est plus par le biais d'un emploi du temps hebdomadaire avec des activités, histoire géo, maths, thèmes, et voilà. Et sinon, tu as dit que vous récupérez en partie, en tout cas, des élèves qui sont plus ou moins en échec par rapport à qui risquent pas avoir le bac. Est-ce que c'est uniquement une partie des élèves? Le recrutement se fait comment, en fait? Alors, notre objectif n'est pas que de prendre des élèves en échec, d'ailleurs. Mais j'imagine. C'est un des objectifs sur lequel le rectorat aimerait nous pousser, c'est-à-dire que sur un certain nombre de discussions qu'ils ont avec nous, ils disaient, alors qu'est-ce que vous faites par rapport au grand mot, c'est le décrochage. Nous, l'objectif annoncé et qui est présenté, c'est de permettre à des élèves de participer à une expérience différente au niveau pédagogique, avec un aspect autogestionnaire qui est mis en avant dès le départ, donc expliquer ce que ça implique au niveau fonctionnement collectif, coopération et un certain nombre de choses où on dit que les élèves vont pas se retrouver en situation de compétition comme ça peut être le cas ailleurs. Et puis, de promouvoir aussi un certain nombre d'activités qui sont bien trop peu présentes dans l'école traditionnelle, au niveau artistique, création, activités de groupe. Et donc on propose tout ça aux élèves qui veulent venir. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de demandes que de places. Donc après, on fait venir les élèves à 2 jours de stage. Alors on présente un peu le fonctionnement du lycée et après on est amené à faire une sélection parce qu'il y a beaucoup plus de demandes en fonction de profils un peu différents et de personnes qui ont envie de participer à cette expérience. Je crois que Bibo veut poser une question. Oui, bonsoir. Alors, moi, j'avais une question concernant justement ces élèves qui, du coup, arrivent du système classique, on va dire, et qui se retrouvent dans ce lycée autogéré. Qu'est-ce qui les surprend, qu'est-ce qui les étonne quand ils arrivent dans une structure comme ça par rapport à cette autogestion, justement ? Bah là, peut-être le mieux, je sais pas, s'il y a des élèves qui écoutent, ça serait qu'ils appellent et qui répondent plutôt que je me fasse leur porte-parole. Maintenant, c'est vrai que je vais quand même dire un peu sur moi ce que je ressens, ce qui renvoie. Oui, parce que je pense qu'ils t'interrogent quand même. Ouais, par bien sûr. Hein. Sur les premiers temps passés au lycée, c'est vraiment quelque chose d'un peu d'émerveillement et d'éblouissant au niveau des possibles, de la liberté soudaine, parce que on a un fonctionnement où on affirme un principe de liberté de fréquentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition classique quand les élèves ne vont pas en cours, quand les élèves il y a une liberté de construire et de faire qu'on participe ou non à une activité, en essayant de faire que justement construire cette volonté de participer à une activité, et puis de la manière de fonctionner qui est complètement différente. Donc il y a tout ça qui est renvoyé dans un certain nombre de pour les personnes qui arrivent au lycée. Après, peut-être que les difficultés de fonctionnement, parce qu'elles existent aussi, sont plus présentes passé les premiers temps d'émerveillement. Mais c'est vrai que c'est, même y compris au niveau des parents qui viennent voir le lycée, il y en a un certain nombre qui disent « Ah, j'aurais bien aimé venir dans un lycée comme ça ». Est-ce que moi j'ai été frappé quand je suis allé 3-4 fois en fait j'ai eu l'occasion d'aller à Saint-Nazaire. Bon, parce que en fait, je passe en faisant des tournées de diverses personnes, y compris d'Amérindiens, et dans les tournées, envoyer les paysans, enfin tu connais peut-être un peu la région, un peu actif là-bas, envoyer les dockers, les dockers, et on allait au lycée de Saint-Nazaire. Et moi, ce qui m'a, entre autres choses, au-delà du fonctionnement, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les échanges qu'on avait avec les personnes avec qui on venait, il y avait énormément d'élèves qui participaient, qui expliquaient le fonctionnement. Enfin, disons, tu sentais quand même, tu avais affaire à des jeunes qui avaient vraiment une certaine capacité et un certain intérêt à échanger avec d'autres. Moi, c'était vraiment frappant par rapport à d'autres lycées traditionnels. Est-ce qu'il y a un petit peu la même chose ? Est-ce que tu sens une personnalité qui se développe plus facilement dans ce style de fonctionnement ? Je crois que c'est intimement lié à notre façon de fonctionner. Oui, bien sûr. Que ça soit à Saint-Nazaire ou à Paris, c'est-à-dire qu'on donne une réelle possibilité à chaque membre de ces expériences de s'exprimer, qu'il y ait une parole qui soit pas vraiment prise en compte et pas juste vas-y, tu peux causer, de toute façon cause toujours, quoi. Donc, le fait de donner cette place à la parole, à l'intérêt, à susciter de la curiosité, à échanger sur un certain nombre de choses, évidemment, ça favorise cette implication très, très forte et qui peut surprendre les observateurs qui viennent nous voir. Nous, là, on a une forte lutte sur la question... Bah, tu peux l'évoquer. Des moyens, parce que comme pas mal d'autres établissements, ils nous suppriment des postes. À la différence de d'autres établissements, la participation des élèves à la lutte a été assez énorme. C'est-à-dire que quand on s'est dirigé en manif au rectorat, il y avait plein d'élèves. Quand des inspecteurs viennent sur place, ils sont reçus avec des élèves qui argumentent pour défendre les moyens. Enfin, il y a un réel intérêt pour l'expérience, pour défendre le lieu, et puis pour se mettre en avant, pour expliquer comment on fonctionne, quels sont les... Enfin, moi, je trouve que ça, c'est assez épatant. Ouais. Et vous en êtes où ? Parce que tant que je me souvienne, au départ, sur 25, ils voulaient supprimer 5 postes. Finalement, au moment, on en était à 2. Vous en êtes où, là ? Alors oui, au départ, c'est-à-dire en janvier dernier, on a reçu un courrier complètement anonyme, un courrier un peu automatique, comme ça se fait... je crois que c'était un email d'ailleurs, qui disait que la dotation horaire du lycée allait diminuer en proportion, à savoir que jusqu'à présent on est 25 enseignants à travailler à temps plein au lycée et que pour l'an prochain ça serait à peu près 20 postes. Ce qui était un truc énorme et au regard de n'importe quelle structure, mais qui au lycée autogéré de Paris avait le comme conséquence le fait qu'on puisse plus du tout fonctionner. C'était vraiment une menace de fermeture, à peine déguisée, parce que quand on les a rencontrés, qu'on leur a dit que c'est ça qu'ils étaient en train de faire, donc il allait falloir qu'ils en assument les responsabilités. Ils ont dit non, on peut très bien fonctionner. Enfin voilà, on leur a dit quel établissement fonctionnaire, quel établissement scolaire pourrait continuer de fonctionner avec une telle réduction des moyens. Pour le lycée, c'est donc on s'est battu, il y a eu pas mal de choses et d'assemblées générales, y compris un très large soutien. Alors deux parents d'élèves, d'anciens élèves, on a vu des milliers et des milliers de personnes se tourner autour, enfin chercher l'info. Il y a eu une pétition avec effectivement plusieurs milliers de signatures, et puis plein de personnes qui se sont intéressées à défendre un autre lieu. Ils sont revenus en arrière, actuellement on en est à 4 postes et demi récupérés. D'accord. Donc il y a toujours un demi-poste en jeu. C'est ça, oui. Voilà, actuellement on a moins eu d'action ces derniers temps, parce que on a permis de reculer. C'est vrai que le demi-poste, c'est toujours problématique, parce que travailler à mi-temps au lycée autogéré de Paris, c'est surtout les activités de gestion qui en pâtissent, et donc ça c'est un vrai problème. Maintenant, on a encore un exemple où une large mobilisation et une lutte déterminée montrent qu'on peut faire reculer, alors qu'il y a une logique quand même assez implacable sur la réduction des postes. Et sur la lutte, oui, justement, parce qu'on a vu que l'éducation était autogérée. Nous, tout à l'heure, pendant l'émission, on a parlé d'autogestion des luttes. Comment ça s'est traduit, justement, cette éducation autogérée, au moment où le lycée a basculé dans cette lutte pour les 5 postes ? Bon, on ne change pas tellement nos habitudes, à savoir que la pratique qui est que quand il y a quelque chose d'important, on en discute ensemble, on a des assemblées générales, et bien que ça soit pour la vie ordinaire ou les moments de lutte, on retrouve ce fonctionnement. Donc on a juste eu un peu plus d'assemblées générales, c'était au moins une ou deux par semaine pendant plusieurs mois, plus quand il y avait des moments importants. Et toutes nos manières de fonctionner sont retrouvées, c'est-à-dire que le fonctionnement par assemblée générale, décision collective, implication de tout à chacun qui... Bon, là aussi, on retrouve quelques dysfonctionnements, c'est-à-dire que c'est un peu partout pareil. On dit, voilà, on veut faire tel ou tel, on a besoin de faire tel ou telle chose, écrire un tract, faire une banderole, trouver des volontaires, c'est pas forcément... On n'a pas tout le temps 240 élèves et 25 profs disponibles, mobilisés, mais le principe est là, c'est-à-dire qu'on propose tous ceux qui veulent participer et devenir, et certains sont venus très activement. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on le retrouve dans d'autres exemples, c'est-à-dire que le fonctionnement qu'on a quotidiennement, puisque là c'est dans le cadre du lycée, mais ça peut être dans d'autres cadres, peut servir sert à la lutte, justement, si on a un fonctionnement qui tous les jours permet aux gens d'intervenir là dans le cadre du lycée. Ça peut être dans d'autres exemples, et je sais qu'il y a... Par exemple, Raoul Zibeki, enfin, je ne sais pas si ça a écouté l'émission que j'ai citée tout à l'heure, a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, c'est-à-dire le lien entre le fonctionnement quotidien, dans ce qui se passe tous les jours. Bon, en ce que tu nous dis, c'est le lycée, et que s'il y a eu un investissement collectif dans ce fonctionnement quotidien, ça sert énormément lorsque, heureusement ou malheureusement, il y a des luttes, parce qu'il y a toujours des luttes de toute façon, surtout quand on fait des choses un peu différentes, que l'État tolère dans un certain, jusqu'à certains points, quoi. Nous, ils nous tolèrent dans la mesure où on remplit déjà une certaine fonction d'accueillir des élèves qui qui serait placé à peu près nulle part si des structures comme ça n'existaient pas. Et ils nous tolèrent aussi, je dirais, parce que on reste malheureusement une exception. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, il a été possible d'ouvrir ces 4 lycées expérimentaux. Sur les 4, il n'y en a que 2 qui ont un fonctionnement autogestionnaire. Tout à fait, où, donc, au niveau des milliers d'établissements en France, ça fait très très peu. Et dès qu'il y a eu des volontés de multiplier ce genre d'expérience, ça a été très très compliqué, voire impossible. C'est pas, au niveau du secondaire, depuis, il n'y a pas eu d'autres possibilités au niveau global dans un établissement. C'est-à-dire qu'ils acceptent des petites expérimentations, et encore faut voir, à l'intérieur d'un lycée. C'est-à-dire qu'ils vont accepter qu'il y ait une classe qui fonctionne de manière un peu différente, mais avec toutes les contraintes que ça implique, à savoir que cette classe aura pour élèves les élèves que le lycée place. En gros, ceux que le lycée n'arrive pas à gérer ou ne refuse de scolariser. Mais un fonctionnement autonome et avec une liberté telle que nous on l'a, ça a pu être possible depuis. Donc c'est vrai que ça c'est... voilà. Alors après, nous, on est tout à fait satisfait de la liberté qu'on a, c'est même assez... assez rare, quoi, d'avoir... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'autres... Il n'y a pas eu d'autres possibilités depuis. Bon, bah, alors, aussi, tu ne l'as peut-être pas, tu l'as pas rappelé, mais pour les éditeurs, il faut rappeler comment ça s'est mis en place, ces 4, ou enfin, en fait, ces deux expériences intéressantes, certes, mais limitées. En fait, c'était lié au moment où Mitterrand se présentait, enfin, mais pour les auditeurs, Mitterrand souhaitait être élu, bon, c'était son rôle, et il avait fait un certain nombre de promesses dans divers domaines par rapport au radio libre, etc., mais aussi dans le domaine de l'éducation. Et du coup, un certain nombre de personnes, dont le frère Cole Bendit s'appelle Gabi, que tu vas connaître, j'imagine, l'a un peu pris au mot, etc., et amené un certain nombre de dossiers, justement, de ce genre de choses. Mais bon, il a fallu parlementer, et en fait, il y en a très très peu qui ont été acceptés. Et ce que tu décris, c'est-à-dire le fait que ce soit un petit espace libre qu'on laisse dans un coin, c'était déjà dès le départ limité, quoi. C'est donc c'est pour ça que c'est... Oui, il y a eu pas mal de projets et certains ont été refusés. Ah, tout à fait, oui. Bon, il y avait Gabriel Cohn-Bendit sur Saint-Nazaire, voilà. Sur Lévis, sur Paris et d'autres. Voilà, les deux noms que généralement les plus cités. Et c'est vrai qu'ils se sont pas mal réunis autour de l'année scolaire 80-82. Voilà. Il y avait déjà eu un certain nombre d'expériences un peu plus ou moins pirates, mais enfin... De choses, et que ils ont, à un moment, il y a eu une petite porte qui s'est ouverte et ils ont profité, donc c'était le ministère Savary de cette possibilité. Et c'est vrai que depuis, il n'y a pas eu. Bon, il y a aussi le fait que malheureusement, il n'y a pas eu toutes les. Il y a eu quelques luttes, hein. Il y a eu des luttes pour. Défendre des pratiques autogestionnaires, mais c'est pas non plus tous les enseignants qui aspirent à ce type d'éducation, à ce type de fonctionnement. Ni d'ailleurs tous les parents et ni tout ça, parce que bon, comme tu l'as dit, l'objectif c'est d'avoir le bac, et est-ce qu'on aurait le bac dans un système un peu différent? Il y a une certaine frilosité, certainement. Pas sans doute dans ceux qui ont vu comment vous fonctionnez, mais dans ceux qui connaissent pas ça, hein, qui se disent oui, au moins il vaut mieux une discipline et un truc bien carré, au moins on sait où notre enfant met les pieds, hein. Il y a aussi cet aspect-là, quoi. C'est toute la société qui s'est infiltrée dans les têtes des parents, voire des enfants. Il y a un modèle dominant qui est bien ancré. Hein. Bah écoute, on va te remercier pour ton appel, et puis. Okay. Bah, et puis après, on espère que vous allez obtenir le dernier demi-poste, si j'ai bien compris. Bah, on je pense que la lutte continue. Hein, prévues, ouais. Il y a encore quelques actions prévues. Voilà. On n'en fera pas sur les ondes de Radio Libertaire si on passe l'antenne. Il y a peut-être aussi plus tard dans la soirée, je ne sais pas, il y avait des élèves qui étaient intéressés par. Ah, absolument. Par façon, donc s'il y en a qui veulent appeler. L'antenne est ouverte. Ok, allez. Merci Pascal, au revoir. À plus tard. Salut. To me today, send me a file. Mega upload. Check it out. Il s'agit d'un GAEC, bon, c'est un mode d'association où plusieurs paysans peuvent faire des choses ensemble. C'est un bon, statut juridique qui existe depuis longtemps. Ça, c'est pas très original, bien que ça donne quelque chose, une vision collective, qui s'appelle Radi et compagnie, et qui se présente comme une ferme autogérée. Donc, c'est cinq jeunes paysans. Qui ont décidé de rester à la terre. Et rester à la terre aujourd'hui pour des jeunes paysans qui n'ont pas devant eux des terres de leurs parents ou de l'argent ou des choses comme ça, c'est pas évident. Donc ils ont travaillé sur un projet. Alors d'abord, ils sont dans la région de Laval, dans la Mayenne, donc une commune s'appelle Montflour. Bon, le nom n'est pas plus important. Et ils ont tout un projet qui a été mis en place et qui a démarré. D'ailleurs, j'ai vu des photos. Ça a démarré vers la fin de l'année et c'est en pleine activité en ce moment, enfin, en plein démarrage d'activité. Donc, c'est un projet qui touche aussi bien à la production de légumes, hein, divers domaines, donc qui seront diffusés dans des AMAP. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si on a dit le nom d'ailleurs, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc là, c'est une des applications, mais aussi avec toute une activité de produits laitiers, des fromages, de la crème, du beurre, etc., etc., du pain. Donc ils veulent produire leur propre pain, et puis des galettes. Je vois que Monique me fait des grands signes. Oui, je te fais des grands signes parce que on pourra peut-être continuer à parler de Radi et compagnie plus tard. Là, pour le moment, nous avons en direct au téléphone Guillaume et ses abeilles. Ah oui, tu me disais, j'ai entendu comme un bruit, un bourdonnement dans les oreilles. Tu nous entends, Guillaume ? Ouais, bonjour tout le monde. Ouais. T'es pas avec tes abeilles ? Ouais, on peut sans problème parler des insectes. Oui, donc on t'avait un peu contacté pour que tu nous parles un petit peu du projet qui est quand même pour toi un changement de vie, bien que la passion des abeilles tu l'avais, mais tu as l'intention de mettre en place un projet où tu vivrais essentiellement de ça, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis au-delà de ton amour pour les abeilles qui est intéressant, et puis les rapports que tu peux avoir avec elles, c'est aussi un projet qui a certaines caractéristiques, je pense, pour en avoir discuté avec toi, qui d'un point de vue libertaire sont intéressants. Donc voilà, je t'ai fait une petite introduction, donc à toi d'expliquer un petit peu. Ouais, donc ça, oui, c'est un changement de vie parce que ça serait changer un peu de métier, quoi. Voilà, après, par rapport au principe de l'autogestion, qui est un peu le sujet de l'émission, c'est vrai que moi, dans l'idée, c'est de fonctionner un peu comme ce que sont censés être les AMAP, donc où tu joues, enfin, tu vends une récolte à l'avance, quoi. De ce que je connais des apiculteurs qui fonctionnent en AMAP, en fait, ils font comme dans n'importe quel commerce, bien souvent, ils vendent quelque chose, un poids, et voilà. Avec moi, c'est ce que tu dis est tout à fait exact. Enfin, en tout cas, pour les AMAP que je connais en région parisienne, il y a un certain nombre d'AMAP, ce qui est d'ailleurs très honorable, hein, où il y a un apiculteur qui vient vendre ses pots de miel ou d'autres produits, mais effectivement, je pense que l'AMAP sert plus de moyens pour ces apiculteurs de vendre leurs produits, ce qui est très bien. Mais l'idée d'une AMAP qui est quand même que le prix est un peu détaché du marché et plus lié, disons, au travail du paysan, de l'AMAP, donc en ce qui te concerne, de l'apiculteur, il y en a très peu qui se proposent de fonctionner comme tu vas nous expliquer maintenant. Oui, voilà. Ouais. Donc moi, le fonctionnement, l'idée, c'est de vendre la récolte d'une ruche. Donc en gros, chaque personne achète... comme s'il y avait sa ruche ruche ou une part de ruche ou voilà, plusieurs ruches. Voilà, une part de ruche. Ou voilà. Voilà, et du coup, à la récolte en fonction. Donc, c'est-à-dire, assume les aléas, s'il y a beaucoup de miel ou pas beaucoup. Les bonnes surprises aussi, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises. Voilà, absolument. on espère plus souvent des bonnes, d'ailleurs. Donc, ce qui fait que, oui, il y a des années, on peut avoir beaucoup de miel, d'autres un peu moins. Et puis, après, l'idée aussi, dans tout ça, c'est de faire en sorte que les gens... choisissent un petit peu, sur certains critères, que ce soit pas moi le seul décideur des choses, c'est moi qui fais effectivement, mais que les gens puissent éventuellement donner leur avis aussi sur les choix de ruchers, sur les types de miel, sur les produits transformés qui peuvent être faits. Moi, je sais que je fais du vinaigre de miel pas mal, mais ça peut aussi dire, bah tiens, on préfère quand c'est fait comme ça, on préfère à telle saison plutôt qu'à telle autre, parce que le miel a meilleur goût, parce que suivant les saisons, le goût du miel change forcément, ce ne sont pas les mêmes fleurs. Oui, oui. Donc c'est réussir à impliquer l'ensemble des consommateurs aussi dans la pratique, et qu'ils soient un peu acteurs aussi de leur consommation. Quoi. Oui, oui, c'est d'ailleurs un élément qui est intéressant dans les AMAP, c'est ça, c'est qu'en fait, dans une AMAP, il y a un collectif, bon, certains font un travail particulier, toi en tant qu'apiculteur ou celui qui va produire des légumes ou d'autres choses, mais en fait, le collectif assume l'ensemble de à la fois de la production, peut peser sur les choix, comme tu l'as dit. Finalement, tu retrouves un certain nombre des caractéristiques dans ce que tu mettras en place, qu'on retrouve dans certaines AMAP, c'est ça? Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'avais fait, à l'époque, quand j'étais à Paris, j'avais monté une AMAP, et c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Oui. De ce que t'achètes pas juste une récolte comme ça en passant, et puis sans trop te soucier de ce qui se passe, mais de pouvoir avoir une vraie discussion avec le paysan, quoi. Donc, dans mon cas, avec l'apiculteur, sur des façons de fonctionner, des façons de produire. Enfin, je sais que moi, je travaille avec un type de ruche assez particulier, et qui est une ruche où les abeilles construisent tout de A à Z, ce qui n'est pas le cas traditionnellement. Et c'est aussi pouvoir discuter de ces choix-là. Voilà, c'est pas faire comprendre aux gens ce que ça implique sur la récolte, sur le produit du miel, mais aussi sur tout le reste, sur l'environnement, comment les abeilles travaillent. Et c'est que ce soit pas juste de mon choix, moi, c'est aussi transmettre ça. Et je pense que par rapport à, j'ai pas entendu le début de l'émission, mais par rapport à l'autogestion en général, c'est important que les gens soient impliqués dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils consomment aussi, et qu'ils aient un peu leur mot à dire, sans forcément soit leur choix qu'on suive ou quoi que ce soit, mais qu'ils puissent être entendus, et pareil, le paysan, l'apiculteur ou même l'ouvrier puisse être entendu sur les choix qu'il va faire, et qu'il y ait une vraie discussion. Si ça va que dans un sens, ça fonctionne pas, l'autogestion. C'est un partage, c'est ça qui est important. Je crois que Stéphane veut te poser une question. Oui, salut Guillaume. Alors, au cours de l'émission, justement, on parlait de ces liens qui fondent en fait les pratiques autogestionnaires. Et tu as à l'instant longuement parlé des liens entre le producteur, donc toi en l'occurrence, et les consommateurs. Est-ce que dans ta partie, c'est-à-dire l'apiculture, tu peux avoir des liens avec d'autres producteurs ou que ce soit de miel ou autre, quoi? Avec d'autres producteurs de miel, oui, on en a forcément, parce qu'on a pas mal de soucis en ce moment. Ouais, j'imagine. Donc voilà, de ce point de vue-là. Après, sur la production à part entière, non, en général, souvent, on travaille chacun sur nos ruches, et ça nous prend suffisamment de temps. C'est rare qu'on suive des coups de main entre nous, sauf coup dur d'un collègue, quoi. Voilà, et avec d'autres producteurs, oui, on a forcément des liens, parce que en tant qu'apiculteur, on est très dépendant des agriculteurs. Donc déjà, c'est très rare qu'on possède les terrains sur lesquels on met nos ruches. Donc forcément, on est en liaison avec les gens à qui appartiennent ces terrains, qui sont bien souvent des agriculteurs. Et du coup, on essaie de leur parler de nos problématiques sur des choix de culture, des fois, le dire, ça serait bien d'orienter plutôt sur telle plante un peu plus mellifère, ou, par exemple, moi, je suis en Bretagne, donc il y a beaucoup de gens qui font du blé noir, là, du sarrasin, sauf qu'il y a du sarrasin qui est pas du tout mellifère, donc qui est pas intéressant, et d'autres qui sont plus mellifères. Donc, en général, on essaie de leur dire, essayez de partir plutôt sur cette variété-là qui est aussi bénéfique pour nous et pour vous, parce que vous allez avoir plus de blé noir à récolter derrière. Et est-ce que le dialogue est fructueux? Ça arrive, pas toujours. Voilà. Voilà, parce que c'est pareil, ils ont leurs impératifs qu'on connaît pas toujours non plus, qui sont pas les mêmes pour nous. Donc ils sont dans leur optique. Parfois, on arrive à se faire entendre. au moins sur les histoires de variétés. Après, sur tout ce qui est les histoires de pesticides, etc. C'est vrai, quand on n'arrive pas à se faire entendre, en général, on s'en va. On leur fait comprendre que on n'a rien à faire ensemble, quoi. Voilà. Mais la discussion est possible et parfois on arrive à travailler ensemble. Heureusement. Oui, c'est sûr que ça doit dépendre si tu as affaire à des paysans qui sont investis, peut-être des fois alors qu'en défendant dans la chimie et tout ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément l'envie, voire même ils voient pas forcément les possibilités pour en sortir, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Ils ont pas. Il y en a qui n'ont pas du tout l'envie ou qui comprennent pas. Il y en a qui ne peuvent pas, qui sont pieds et mains liés. Donc ça, c'est un autre problème. Mais en général, on arrive quand même à faire passer un peu. Nos messages à nous, soit sur la pollinisation, sur la problématique pesticide, et parfois aussi sur comment nous on fonctionne, moi comment je fonctionne sur la vente de mes produits, sur le réseau que j'ai essayé de mettre en place, etc. Moi je travaille, j'ai quelques ruchers chez des gars qui aussi travaillent avec des AMAP, ou qui vendent sur des marchés, donc ça les intéresse à ce qu'on travaille ensemble, qui récupère mes produits pour les vendre, etc. Et est-ce que tu l'as dit tout à l'heure, je me souviens pas, tu envisages de faire, tu as parlé de vinaigre, des choses comme ça, des produits, ce qu'on peut appeler des produits dérivés, pas uniquement le miel. Oui, non, parce que quand c'est lié à la fabrication du produit final aussi, le miel, t'as plein de choses qui vont avec derrière, donc et puis moi sur mon type de ruche d'autant plus, j'ai pas mal de cire, donc... J'ai pas encore bien réfléchi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je voudrais travailler sur la cire pour faire d'autres produits dérivés, alors soit moi, soit quelqu'un d'autre, parce qu'il y a un moment je peux pas tout faire non plus. Et j'aimerais bien trouver des gens qui ont envie de travailler un peu dans le même sens que moi, soit sur du pré-achat via des AMAP, ou en tout cas dans le même esprit éthique, de au maximum être autonome et dans un échange avec le consommateur final. Voilà. Pour c'est pas forcément perdu d'avance pour enfin je me rappelle plus si on a eu l'occasion de te le dire, mais en ce qui concerne dans les AMAP en région parisienne, il y a notamment un endroit où il y a ce qu'ils appellent les fermes couveuses, où ils prennent des gens en stage pour s'installer en paysan en AMAP, et sur les deux stagiaires actuels il y a un ancien AMAPien qui était pas du tout un paysan et qui était un consommateur entre guillemets, et qui s'est tellement pris au jeu qu'il a je sais pas avec quelle vie antérieure, enfin vie salariée ou autre, il a rompu, et son objectif c'est maintenant d'être paysan en AMAP, tu vois, donc ça a bien servi l'AMAP dans laquelle il était pour le donner envie, tu vois, d'intervenir. Alors je sais pas si tu auras la chance d'avoir des vocations comme ça qui vont se créer dans les gens qui t'entourent, mais on peut aussi espérer ce genre de choses, qu'il n'y ait pas forcément une... Enfin, d'ailleurs tu l'as décrit, mais d'un côté celui qui produit, de l'autre celui qui consomme, ce qui est notre société d'aujourd'hui, et puis un produit qui s'échange via des grandes surfaces, on perd complètement le lien, quoi. On peut très bien aujourd'hui avoir envie de s'investir dans ce que tu décris, en plus la mort des abeilles, je crois que tu l'as pris à un certain moment de ta vie et tu l'as pas perdu, non du tout. Et puis même pour aller dans ce sens là je vais dire quelque chose qui est assez, moi, qui me rassure et qui est assez étonnant en même temps. Donc dans le métier que je fais, qui est éclairagiste notamment en cinoche, donc on travaille en équipe, et mon équipe là sur le dernier film que j'ai fait, on était trois, et sur les trois, donc il y a moi qui pars dans les abeilles, et j'ai un autre copain qui se pose des questions pour partir dans les olives, parce que lui il est en Espagne, et le dernier gars se pose des questions pour partir en sylviculture, donc tout ce qui est forêt, tu vois, donc ça fait tache d'huile. Moi je désespère pas, et à ce que les gens se réapproprient aussi certaines choses, sans dire que le reste et sans intérêt, parce que je pense qu'on aime tous le métier qu'on fait aujourd'hui, avec lequel on vit, mais qu'on a envie de plus, et il n'y a pas de raison que les gens n'aillent pas dans ce sens-là. Et à la map que j'avais montée sur Paris, c'est pareil, il y avait des gens qui commençaient à se poser des questions sur comment produire leur nourriture au-delà de juste l'acheter à un producteur qui vendait ça en AMAP, mais à passer le pas de au moins produire un minimum pour eux et éventuellement plus, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que ce sont des choses qui sont importantes à essayer de se réapproprier, quoi. Sur les savoirs. Bah écoute, on espère que ton projet va bien marcher là. De toute façon, tu comptes t'investir très rapidement là. C'est déjà commencé. C'est déjà en route là. Ouais, ouais. Là, c'est en route depuis un petit moment. Là, il s'agit de passer à la vitesse supérieure. Mais non, je pense qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Il y a la manifestation de samedi avec ses abeilles. peut-être pas avec les abeilles. ça fera du monde, c'est certain, mais ça peut en éloigner pas mal d'autres. Oh, c'est gentil les abeilles si on les provoque pas. Si on les provoque pas, ouais, ça va. J'en ai approché à travers un copain qui avait des ruches. Et finalement, avec quelques précautions, j'ai pas eu de problème. Non, mais il faut. Enfin, ça s'apprend après. À communiquer avec elle, quoi, d'une certaine façon. Bah écoute, on te remercie, vous n'avez pas d'autres questions? Non, à part de dire à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Libertaire que le miel de Guillaume est très bon. Ah, c'est vrai. Je l'ai goûté, est très bon. Oui, d'ailleurs, il a été à un moment en soutien à la librairie du Monde Libertaire, tant que je me souviens. Hein. C'est ouais, ça, t'en avais amené à ça. Donc, bah, ça va dans le sens aussi de l'autogestion, d'essayer de faire des choses ensemble, d'une certaine façon, quoi. Bah écoute, on te remercie et on te donne un rendez-vous, je crois que tu pourras nous rejoindre samedi, donc la manifestation pour les auditeurs qui prendraient en route, donc samedi 21 mai, 14h, rendez-vous au métro Belleville, voilà. Merci, et salut Guillaume, à bientôt. Ouais. Ciao. Ouais, à bientôt, salut. Salut Guillaume. Je pense que Guillaume disait un truc assez important qu'on avait déjà évoqué avant, hein, c'était l'importance aussi des consommateurs. C'est vrai que quand on parle d'autogestion, surtout dans le milieu militant, syndical, etc., il y a une espèce de vieux fond souvent d'ouvriérisme, à tort ou à raison. Et on a souvent tendance à associer l'autogestion à la production. Alors effectivement, c'est incontournable et c'est central, etc. Mais ce qu'on voit en ce moment avec les AMAP notamment, et pas seulement les AMAP, c'est l'importance du consommateur. Et on voit de plus en plus d'auto-organisation chez les consommateurs, qui se regroupent, qui décident ensemble, etc. Donc une forme d'autogestion. Hein. Alors soit effectivement, dans le cas de Guillaume, pour se procurer du miel, ou avec des maraîchers pour les légumes, ou d'autres produits aussi. Mais on constate aussi l'émergence de groupements d'acheteurs, de consommateurs. On voit aussi émerger quelques magasins autogérés, hein, où les consommateurs se regroupent pour du coup fonctionner en circuit court avec les producteurs. Même de façon totalement informelle, hein, c'est-à-dire voilà, on connaît un producteur d'huile d'olive, il y en a un autre qui fait du fromage. On voit ça assez souvent finalement. Oui, voilà. Enfin, moi, j'ai vu cet exemple un petit peu plus formalisé en Savoie là récemment, un groupement qui s'appelle Biocurti, où les gens en fait autogèrent un magasin. Finalement, hein. Autogère un magasin associatif, donc en milieu rural. Là aussi, une alternative au système actuel, je pense. Et puis, tout ça, encore une fois, en connexion, en réseau, avec tout un tas, du coup, de producteurs, de fournisseurs, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'on a souvent en tête l'idée d'usine autogérée, mais l'autogestion, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi dans cette façon d'aborder les choses. Moi, je vais tout à fait dans ton sens, parce que si jamais, et j'espère que ça arrivera, bon, même peut-être je le verrai, mais ça, on ne sait jamais, il y a, pour une raison X ou Y, hein, économique, écologique, il y a la nécessité de mettre en place tout de suite, ou plus rapidement possible, un autre fonctionnement d'une société. Un des problèmes immédiats, ça va être que ce soit pas la famine, que les gens puissent manger, que les gens puissent d'une façon. Et donc, s'il n'y a pas déjà eu un apprentissage, un minimum de réseau de circuits courts, s'il faut attendre que le capitalisme nous envoie du riz qui fait trois fois le tour de la planète, je veux dire, ils ont envie de faire de casser toute expérience autogestionnaire dans un pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout négligeable, cet aspect alimentaire, cet aspect de réappropriation des savoirs paysans, parce que ça passe aussi par ça, que ce soit ça vient du milieu paysan, que ça vient de gens qui veulent, qui ont envie de travailler dans cet esprit-là. Moi, je pense que c'est un aspect fondamental. Et d'ailleurs, le KPI ne s'est pas trompé, puisque il y a une lutte au niveau mondial, pratiquement, pour l'achat de terres par des grandes sociétés capitalistes un peu partout, dans plein de pays. Enfin bon, on en a parlé, il y a eu l'épisode de Madagascar, mais c'est vrai en Amérique latine, c'est venu à plein d'endroits. Moi, je pense que c'est un enjeu très important, et ça passe exactement par ce que tu as dit, par le rapprochement entre ceux qui sont consommateurs et ceux qui sont producteurs dans ce domaine-là. Oui, parce que l'autre dimension qui va avec, c'est que c'est la connaissance aussi de comment tout ça fonctionne, c'est la découverte aussi avec qui on fonctionne, hein, comme le disait Guillaume, mais je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres domaines. Quand on est amené à fonctionner en réseau, justement, on déconstruit aussi les choses pour les reconstruire souvent différemment, en tout cas. Mais toute la connaissance qu'on peut acquérir sur comment ça marche réellement et comment on pourrait le faire marcher, ça aussi, je pense que ça porte, on va dire, les graines, hein, d'un avenir à construire. Les semences paysannes, voilà, de l'avenir. Et à développer, hein. Effectivement. Je pense que quand on apprend réellement comment fonctionnent les choses, parce qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on voit comment ça marche, ça fait aussi tomber quelques fausses idées que le système actuel veut bien entretenir, hein, c'est-à-dire vous n'êtes pas capable de le faire, ou ah mais c'est pas si simple, etc. On se rend compte que les problèmes qu'il y a, parce qu'il y a toujours des problèmes qui se posent, sont pas nécessairement là où on a voulu nous faire croire qu'ils étaient, hein. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important, et c'est pour ça que même toutes ces choses qui nous paraissent assez anecdotiques, clairsemées, ou morcelées, etc., ou ultra minoritaires, sont néanmoins porteuses de tout ça. Hein. Non seulement des alternatives concrètes ici et maintenant, mais aussi des perspectives, parce que on apprend bien plus, en fait, que sur l'expérience en elle-même. Monique. Oui, et justement, là, puisque tu parlais de perspective, il est bien évident que si on arrive à changer le monde, on n'aura pas seulement besoin d'être capable de produire, on aura besoin de savoir comment organiser la distribution, de savoir quels sont nos besoins, donc d'auto-gérer ça aussi, et pas seulement la production. Donc c'est là aussi que ce qui se passe actuellement sur des regroupements de consommateurs, puisqu'en ce moment, dans la société capitaliste, on ne peut être que consommateur pour nos besoins, c'est aussi important que de l'auto-gestion en production, parce que c'est le pendant, c'est indispensable aussi. Bah, comme dirait René, je pense que même s'il n'aime pas le terme autogestion, lorsqu'il s'agira à grande échelle, si possible, de gérer la société, il faudra rapprocher les besoins amenés par le consommateur des capacités de production. Et justement, il faudra le faire d'une façon décentralisée et le fédérer ensuite. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a eu un certain nombre de propositions, mais c'est effectivement dans ce rapprochement entre la consommation et les producteurs qui est le centre finalement de la possibilité de mettre en place une autre société, une société différente, dans la mesure où les choix sont faits par les gens eux-mêmes, et en confrontant les possibilités de production aux demandes de consommation. Et c'est d'ailleurs aussi bien dans les domaines de agricoles dont on parle, mais dans les domaines de l'énergie, dans les divers domaines, on retrouve tout à fait ces choses-là. Et puisqu'on avait évoqué tout à l'heure Eugène Varlin, lui, il avait beaucoup réfléchi à ce genre de choses. Enfin, ce qu'on évoque là, c'est-à-dire le rapprochement entre les consommateurs et les producteurs. Sans oublier, puisqu'on parle de consommateurs et de producteurs, qu'on est dans certains domaines le consommateur et dans d'autres le producteur, et qu'on est toujours le consommateur et le producteur dans l'autre. Oui, bien sûr. Bon, alors j'étais donc parti pour parler de Radi et compagnie, donc une initiative de cinq jeunes paysans de de la Mayenne, enfin bon, plus précisément à Montflour pour ceux qui connaissent. Donc c'est assez intéressant parce que il y a des caractéristiques un peu particulières, parce que je trouve que la limitation en tout cas d'un certain nombre d'AMAP, c'est que il y a un paysan qui est avec des consommateurs, ce qui est très bien, sauf que souvent c'est uniquement, bah, pareil, on va trouver un paysan qui fait des légumes, ce qui est très bien, mais ça limite le champ des produits. Je sais que maintenant il commence à y avoir des AMAP où il y a des regroupements de producteurs. Et un autre avantage du regroupement de producteurs, c'est que pour connaître un certain nombre de paysans en AMAP, notamment Laurent qu'on a invité plusieurs fois sur cette antenne, bon, il est très intéressé par son travail en AMAP, ceci étant, il bosse comme une bête, quoi. C'est-à-dire qu'il prend presque pas de vacances. Bon, alors certes, il fait quelque chose qui lui plaît. D'ailleurs, il n'était pas d'origine paysanne. Mais est-ce qu'il va tenir comme ça longtemps? Donc, je pense que la proposition qui est faite par ces cinq jeunes va leur permettre de prendre des vacances, d'aller se former ou d'avoir des échanges avec d'autres producteurs dans d'autres coins, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant, c'est cette notion collective qui, en tout cas dans les milieux paysans d'origine, n'est pas... bon, même si les paysans dans le temps s'entraidaient, chacun avait sa ferme, il y avait quand même une relative tradition sur la notion de propriété, des choses comme ça. Alors un autre intérêt, c'est que de leur initiative, c'est qu'ils ont utilisé une association, nous on a eu l'occasion d'en parler, on a fait une émission là-dessus, qui s'appelle Terre de Liens. Sur le problème actuel, c'est certes de trouver des produits qui sont plus intéressants, qui sont bio et dans un système tel que l'AMAP, parce qu'on parle des AMAP, mais il y a aussi d'autres circuits courts dans diverses régions. Le problème actuellement, vu la demande, c'est le problème du foncier, tout simplement, parce que dans le système agricole, tout le foncier a été mis en place entre la FNSEA, la SAFER, enfin tout un système que je ne détaillerai pas ici, pour faire des grosses exploitations et faire disparaître ce qui était réellement les paysans. Et donc l'association Terre de Liens, qui travaille souvent en lien d'ailleurs avec les AMAP, permet, se porte acquéreur en tant que tel lorsqu'il y a un projet d'installation, donc c'est le cas pour le GAEC en question là, se porte acquéreur en soutien à un projet collectif et un projet si possible orienté vers le respect du sol, c'est-à-dire soit en bio, soit dans cette direction-là, et achète le terrain, dans la mesure où la SAFER accepte, parce que tout terrain agricole, ça passe par les crapules de la SAFER, et finalement, les paysans ont en fait l'usufruit de la terre, c'est-à-dire signent un bail environnemental, dans la mesure où ils garantissent qu'ils vont en gros s'orienter vers le bio. Et donc ça dépasse l'idée de que tous les paysans ont envie de devenir propriétaires, etc. Donc ça permet à un certain nombre de paysans de s'implanter et de continuer leur travail sans être obligés d'avoir un capital devant eux. Donc je pense que ça, un deuxième aspect de leur démarche qui est assez intéressant. Je crois que nous avons peut-être un paysan. Eh bien, alors je ne sais pas si c'est un paysan, mais enfin en tout cas c'est un représentant d'AMAP, enfin quelqu'un qui participe à une AMAP. Alors, ça tombe super. Un AMAPien ou une AMAPienne, je ne sais pas. Et voilà, je le mets à l'antenne. Ben. Bonjour. Hello. Oui, on t'entend. Bonjour. Bonjour. Je suis Yannick. Alors je ne suis pas AMAPien, je suis paysan. Ah, voilà, bah justement, c'est un sujet qui me tenait à cœur, hein. Je suis d'origine paysanne aussi, alors. Donc vas-y. Et donc, j'appelais pour témoigner un peu, comme c'était, tu m'avais dit d'appeler pour ça, donc je sais pas. Ah, c'est toi qui es Radi et compagnie? Voilà, je fais justement, alors, j'ai attendu assez longtemps, parce que je me suis dit, c'est pas à moi d'en parler, comme je savais que tu allais appeler. Et bon, comme je voyais que l'heure tournait, je me suis dit, je vais commencer à présenter leur projet. Donc là, je te passe la parole. J'avais commencé à en dire du bien, hein, mais bon. D'accord. Bah là, on revient d'une réunion, en fait, où... Ah, d'accord. Où on crée une AMAP dans la commune d'à côté. D'accord. Donc avec des personnes qui sont motivées pour ça. Et donc, nous, le projet, on est 5 paysans, là, sur Montflour, une commune en Mayenne. Mmh. Et avec production de légumes, production de un petit troupeau de bretonnes pinoires pour faire du lait et tout le transformer en fromage à la ferme, et de la céréale qu'on va transformer en farine pour faire du pain à la ferme aussi. Mmh. Et tout ça en vente directe, en panier, en AMAP, et en panier localement. Oui, donc au flûte, là, j'ai regardé un petit peu là sur internet, là, je pensais sur votre site là où vous présentiez donc ce projet qui démarre en fait depuis relativement peu de temps. Hein. Je crois que vous avez peut-être mis un certain temps à discuter, à le préparer, mais à le mettre concrètement en place, c'est la fin 2010, c'est ça. Le projet il est dans les cartons depuis plusieurs années déjà, mais là on est installé depuis le 1er janvier. Oui. Oui, c'est donc ça, là, oui. C'est la mise en route. Oui, oui. Et donc, est-ce que j'ai dit une bêtise en disant que pour démarrer ce projet, en tout cas du point de vue du foncier, vous êtes passé par Terre de Liens? Parce que je crois que, il me semble que tu m'avais dit ça au téléphone. Oui, c'est ça, ouais, c'est Terre de Liens qui a acheté la ferme. Oui, oui. Et donc, ça a l'avantage que vous avez signé un bail, c'est ça, avec un bail environnemental avec Terre de Liens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, on a signé un bail, on l'a signé la semaine dernière, là. Voilà. Un bail de 40 ans, un bail de carrière. Voilà. Et donc, avec des clauses environnementales, et nous, ça c'est ce qu'on cherchait, l'acquisition par Terre de Liens, notamment pour pas être propriétaire, déjà. Voilà. Et puis tout ce que ça implique après, la remise en cause aussi de la propriété privée, le collectif qui s'installe autour de tout ça. Oui, oui. Oui, parce que d'ailleurs, vous avez mis sur votre site que, bon, enfin, quand vous expliquez, quand je dis vous, c'est les cinq personnes, là, que votre projet est effectivement agricole, mais que vous avez des motivations qui sont, ce que vous dites, sociales et politiques. C'est-à-dire que, bon, vous avez quand même pas mal réfléchi, à la fois sur le métier que vous souhaitez faire, mais aussi les conditions dans lesquelles vous souhaitez le pratiquer, qui ne sont pas tout à fait les conditions, déjà par rapport à la propriété, comme tu l'as dit. Moi, ce que j'avais aussi remarqué, c'est que c'est relativement rare que ça existe un petit peu, mais enfin qu'il y ait comme ça cinq paysans qui se mettent ensemble, ce qui offre quand même beaucoup plus de possibilités s'il y a une nécessité de se former, de prendre des vacances, d'avoir une certaine rotation et une vie qui ne soit pas condamnée à la terre, même si ce n'est pas si simple que ça, mais 24 heures sur 24, quoi. Je pense que ça aussi, c'est intéressant. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages à être à plusieurs. Et nous, c'était une grosse motivation de travailler ensemble, d'échanger des savoir-faire, et puis de pas être tout seul, oui, pour s'enfermer. Enfin, c'est un travail assez dur quand on est tout seul. Donc là, à plusieurs, on soutient, on peut faire pas mal de choses différentes aussi, diversifier tout ça, et puis redonner vie un peu dans les campagnes. C'était ça qui nous motivait aussi, d'avoir un projet politique, quoi. Ça passe par l'agriculture, mais c'est aussi politique et social, quoi. Oui, c'est ça, parce que autour de vous, j'imagine que votre implantation, ça va induire un certain nombre d'activités autour de ce que vous faites, quoi, parce que ça va redynamiser peut-être même. Enfin, je connais pas trop exactement le coin, mais ça risque parce que moi je suis d'origine agricole, mais enfin dans une région agricole où malheureusement les paysans, laminés par le système, quitter peu à peu le village, et on est arrivé maintenant à un village qui est triste en quelque sorte, tu vois. Ouais. Vous, le fait qu'il y ait cinq jeunes paysans qui aient un projet assez complet, hein, en plus on n'a pas trop parlé des méthodes de culture, mais vous avez pas mal réfléchi à l'utilisation, éventuellement la traction animale, j'ai vu, de choses comme ça, pas trop investir dans le matériel agricole comme beaucoup se sont fait avoir en fait, après avec tous les remboursements. Enfin, vous avez quand même, j'ai l'impression, enfin je sais pas, je suppose que vous devez vous connaître depuis un certain temps, parce que visiblement vous avez réfléchi dans quel monde vous êtes, quoi, aussi bien au niveau agricole qu'en général, et vous essayez de vous donner le maximum de garanties pour pouvoir faire vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui soit autonome par rapport au système actuel. Alors, est-ce que j'ai bien compris à travers votre présentation, si c'est bien ça? Oui, c'est ça, et puis c'est sûr qu'on a eu la chance de commencer de rien aussi, donc c'est plus facile de créer quelque chose qui nous correspond en partant de rien, en commençant tous les cinq en même temps. Et puis on a eu la chance de se rencontrer tous les cinq aussi, d'avoir des objectifs communs et de partager les mêmes idées. Donc c'était beaucoup plus simple de lancer un projet comme ça. Et puis on espère que... Déjà on est tombé dans un lieu qu'on trouve assez dynamique, on a eu un super accueil localement et puis on espère que ça va créer d'autres choses en chaîne, d'autres activités qui vont se créer. Je crois que Manny qui veut te poser une question. Oui, ça se traduit comment un super accueil localement ? Eh ben, ça se traduit que là, par exemple, on a commencé à faire du pain depuis un mois. Et il y a déjà pas mal de gens du village. Il y a 200 habitants dans le village, mais il y a déjà pas mal de gens du village qui viennent à la ferme en vélo acheter le pain le jeudi soir. Il y a une brasserie associative qui se crée sur la commune. Il y a, les voisins, il y a de l'entraide, c'est chouette, quoi. Et donc, et la brasserie associative, c'était déjà un projet qui était en germe avant, ou c'est le fait que vous soyez là qui a donné des idées à d'autres Eh ben, c'était déjà un projet, ils font ça depuis plusieurs années déjà. Ouais. En fait, c'est notre voisin qui a pris ça en charge, et il cherchait un lieu pour faire une brasserie, et ça va peut-être être sur notre ferme, parce qu'on a un bâtiment qu'on destinait à une association. Enfin, on aurait bien aimé accueillir une association pour ouvrir justement la ferme sur l'extérieur. Et donc, ce sera peut-être la brasserie qui viendra dans ce bâtiment. Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, un paysan, ce qu'il en reste, c'est quelqu'un qui souvent est sur son tracteur du matin au soir, et puis qui met des produits qu'on lui dit de mettre, et puis qui vend ça dans des circuits qu'il contrôle pas. Et vous avez l'envie, puisque je décris ce que j'ai pu lire, et je pense que vous n'avez pas écrit ça au hasard, de redonner une vie à l'espace rural, qui était en fait un espace extrêmement vivant, où moi j'ai connu un peu la fin, dans mon petit village de mon grand-père, où il y avait des forgerons, où les gens transformaient un certain nombre de leurs produits eux-mêmes. Enfin, il y avait toute une vie beaucoup plus complète que ce qui est maintenant un squelette de vie de gens qui sont en fait presque ouvriers agricoles des grandes firmes capitalistes, quoi. Et visiblement, vous avez en place, vous parlez d'échanges, de liens sociaux, etc., quoi. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus complet, quoi. Oui, ce qui nous motive vraiment aussi, c'est de retrouver cette convivialité qu'il y avait dans l'ancien temps, aussi, ouais. La solidarité entre les gens, les paysans. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus individuel. Enfin, les paysans, c'est vrai qu'ils se retrouvent tout seuls ou entourés par 200 hectares de terre. C'est vrai que l'agriculture, elle a pris un drôle de chemin là, depuis ces quelques décennies. On essaye de faire autrement, de revenir un peu à des méthodes un peu plus humaines, quoi. Je crois que Stéphane voudrait te poser une question aussi. Oui, salut. Salut. D'abord, bravo pour l'initiative qui vraiment a l'air tout à fait intéressante et prometteuse, quoi. Et par curiosité, pardonne-moi si la question pourrait te paraître indiscrète, mais vous avez quel âge en moyenne tous les cinq ? Eh ben, on a 28 ans et on est quatre à avoir 28 ans et un qui a 35. D'accord. Donc voilà, c'est bien, vous avez l'énergie du temps devant vous, quoi. Oui, bah oui. Faut y aller les premières années, quoi. Faut mettre ça en route. En tout cas, bravo, parce que ça a l'air vraiment super, quoi. Mais en plus, j'ai vu des photos, là, je pense toujours sur votre site, alors je sais pas si c'était une pendaison de Cramaillé en quoi, mais enfin, vous avez fait une fête, peut-être parce que vous aviez suffisamment avancé sur les travaux, là, et il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde, les gens étaient contents, je pense que c'était des gens du coin, quoi. Eh ben ouais, on a fait une porte ouverte là le porte ouverte. Même si les productions n'étaient pas encore lancées, mais on avait envie d'ouvrir la ferme déjà pour faire venir les gens du village et les copains. Ça fait plusieurs années qu'on parle de ce projet-là, qu'on le monte, donc il y a beaucoup de gens qui nous attendaient aussi, donc on avait envie de faire une porte ouverte pour faire voir ça. Et on a eu, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de monde, il y a eu plus de 500 personnes, donc c'était une super journée. Intense en émotion, quoi. Et est-ce que vous êtes en contact avec d'autres groupes ou personnes qui font d'autres choses ailleurs, mais un peu dans le même esprit ? Il y a le réseau Repas. On a participé aux quelques dernières réunions. On est intéressé pour participer à tout ça, avec d'autres entreprises solidaires. Mais il faudrait peut-être, pour les auditeurs, expliquer ce que c'est que ce réseau Repas. Alors, le sigle, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. C'est réseau... Qu'est-ce que ça fait quoi? En quoi consiste le réseau, justement, Repas? Est-ce que le sigle, c'est pas bien grave? Voilà, hein, on s'en fout. Eh bien, en fait, oui, c'est des entreprises qui, un peu autogérées, un peu collectives, et puis échangées sur des différents sujets, après, entre ces entreprises-là. Oui, échanger des expériences, s'entraider, des choses, oui. Je connais un petit peu, enfin, pour avoir lu des choses sur Internet, pas plus que ça, mais effectivement, c'est une idée intéressante, parce que c'est un peu d'ailleurs quelque chose qu'on a développé, je sais pas, vous avez pas dû pouvoir écouter le début de l'émission, le risque de toutes ces initiatives, cela on parle dans le numérique agricole, mais on en a parlé dans d'autres domaines, lycée autogéré ou autre, c'est de rester isolé, avec tous les risques que ça peut avoir, quoi. C'est-à-dire, et donc, effectivement, si des réseaux comme ça qui peuvent permettre d'échanger, éventuellement, s'il y a une attaque quelconque, de pouvoir réagir, c'est intéressant, quoi. Et donc, vous participez un peu à ce réseau, quoi. Eh ben, on commence, oui, à y participer. Et il y a aussi, dans ce réseau-là, le compagnonnage. Oui. Des compagnons qui viennent... on va dire 10 jours dans une ferme ou dans une entreprise pour justement participer à la vie de cette entreprise ou de cette ferme. Et donc d'ouvrir un peu aux gens de l'extérieur. Oui. Et sinon là, donc pour comment pour votre production, vous pensez à l'écouler en partie en AMAP et en partie, je crois que j'avais vu dans des trucs genre Biocoop ou des choses comme ça, c'est ça? On est parti pour faire que du panier. Oui. Donc en AMAP, d'accord. Nous, ça serait super. S'il y a des AMAP qui se créent, on participera avec eux à ces créations. Et puis sinon, ce sera des lieux de dépôt de panier. Oui, d'accord. Et, tout en vente directe. On aimerait bien faire que de la vente directe, pas faire par les magasins. Oui, bien sûr. Oui, et puis en plus, ça permet des contacts, etc. Et puis des échanges. C'est d'ailleurs, enfin, pour connaître un peu les AMAP, c'est souvent quelque chose qui ressort où les consommateurs, ou les AMAPiens, comme on les appelle, sont extrêmement contents en fait, d'échanger avec le producteur, d'échanger entre eux. Ça change tellement, tu vois, d'aller chercher un truc sous cellophane ou je sais pas quoi, on ne sait pas d'où ça vient. Et y a ce côté-là de relation, de lien, quoi, qui est important, quoi. Ouais, de mettre un visage sur ce qu'ils mangent quand on bouffe. Oui, bien, on a... Mais moi, ce que j'apprécie beaucoup dans votre cas, quoi, c'est que vous avez réussi à être un collectif. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que j'ai discuté avec plusieurs paysans en AMAP, enfin, en tout cas en Île-de-France, et ça leur fait un... Bon, ça leur plaît, parce que, bon, ça fait des échanges, mais ils bossent énormément, ils prennent extrêmement peu de vacances, tu vois. On peut pas demander non plus à tout le monde de mener une vie comme ça tout le temps, quoi. Et je pense que le fait que vous soyez un collectif va vous permettre de dépasser ce problème-là, je pense. Et en plus, le fait que vous êtes un collectif vous permet aussi d'avoir une activité complète, c'est-à-dire à la fois côté légumes, mais aussi côté animal, si vous permet d'avoir des engrais naturels et des choses comme ça, quoi. Oui, c'est ce qu'on recherchait aussi, ouais, une autonomie sur la ferme, avec une cohérence agronomique entre les différentes cultures, voilà. Pour le fumier, pour les légumes, voilà. le son du blé et du pain pour les vaches. Essayer d'avoir une autonomie relative sur la ferme. Et vous allez bientôt cultiver du houblon pour la brasserie, non? Eh bien oui, il y en a déjà qui sont en route, qui sont en culture. Oh, bah, voilà. Il y a l'orge aussi, bon après... C'est encore des projets, tout ça. Mais... Et sinon, sur sur les produits laitiers, vous faites la transformation sur place. Enfin, vous avez prévu de la faire sur place. C'est vous qui ferez la transformation des produits, c'est ça? En beurre, en... En beurre, en des choses comme ça. Eh bah, bien oui, on va avoir une gamme assez diversifiée. On aura beurre, crème fraîche, fromage blanc, yaourt, fromage frais, camembert et tomme. Et puis on a une quinzaine de petites vaches, des épinards bretonnes. Et donc ça fait à peu près 30 000 litres par an. Je ne sais pas si ça parle, mais ça fait ça. Et donc tout en transformation sur la ferme. Oui. Et est-ce que vous avez, dans votre projet, là, vous avez obtenu à travers Terre de Liens, à la fois les terrains, les bâtiments, est-ce que vous demandez encore des soutiens? Parce qu'on peut aussi demander, des soutiens financiers, j'entends. Où est-ce que vous en êtes exactement du projet? Vous avez bouclé l'affaire du point de vue financier ou vous demandez encore des soutiens financiers? Parce qu'on pourrait demander à des auditeurs intéressés de vous soutenir. Et Terre de Liens a acheté la ferme, mais, oui. Mais on continue la collecte d'épargne, en fait, parce que l'idéal, ce serait que la ferme soit achetée avec de l'épargne locale, ou dédiée au projet, parce que là, ils ont avancé avec de l'épargne collectée au niveau national aussi. Oui. Et donc, on continue à rechercher toujours de l'épargne locale pour essayer de au plus possible, que ce soit en local. Quoi. Donc, c'est toujours possible d'épargner et de dédier l'épargne à ce projet-là ou à un autre projet. Oui. On peut choisir. Oui, je voulais juste apporter une toute petite précision. Là, en l'occurrence, le local pour l'épargne, pour la participation financière au projet, ça ne veut pas nécessairement dire local d'un point de vue strictement géographique. Ça veut dire dédié à ce projet. Ça peut être quelqu'un qui habite un peu loin, mais qui est très intéressé par ce projet-là en particulier et qui dédie ce qu'il donne à Terre de Liens pour ce projet particulier. Oui, c'est possible. On peut dédier son épargne. Après, ce que nous on trouve important aussi, que ce soit les gens du coin qui s'approprient un peu l'achat du foncier, quoi. Mais c'est vrai que tout le monde peut se sentir investi dans un projet comme ça, qui n'est même pas forcément à côté de chez lui, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et les gens qui nous écoutent à la radio, là, peuvent vous contacter quelque part. Je sais pas, vous avez un site, quelque chose ou... Eh ben, oui, on a un blog. Alors, c'est, je peux donner l'adresse si vous voulez. Ouais. C'est radis.e.compagnie.free.fr. D'accord, donc les gens trouveront avec ça. De toute façon, moi, pour le trouver, j'ai dû faire radis et compagnie sur un moteur de recherche et je suis tombé assez rapidement sur le blog en question, qui est très intéressant en plus pour ceux qui s'intéressent à ce que vous faites. Il y a les photos de vos bâtiments, il y a pas mal de photos au-delà de la présentation du projet. Bon, on se rend compte de ce que ça représente, quoi. On essaye tant bien que mal à le tenir un peu à jour et assez précis, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, première approche, moi, ça m'a bien séduit parce que j'ai quand même une idée assez précise de ce que vous essayez de mettre en place, quoi. C'est-à-dire que ça donne vraiment l'impression que vous avez réfléchi à un projet global et si possible autonome. Ça ressort très bien de la présentation que vous faites. Enfin, ce que moi, je connaissais par le nom et c'est tout. Hein. Donc, j'ai approché par le blog et je pense que quand même, de ce point de vue-là, il donne quand même une bonne idée de ce que vous voulez faire. Ouais. Bah écoute, on va te remercier, mais il n'est pas exclu d'ailleurs. c'est pas un engagement, mais quand même, on aimerait bien peut-être un jour aller vous voir, si ça vous dérange pas. Et puis, comme on a des possibilités de faire des reportages sur place, on a un matériel assez léger. Si vous étiez d'accord, on ferait bien un petit voyage dans le coin là-bas. Il n'y a pas de problème. Oui, de toute façon, on a votre contact et puis on vous préviendra à l'avance. Mais bon, on en avait un peu parlé avec Monique. Par ailleurs, on va, je crois, avoir l'occasion de te dire au téléphone. On fait une émission de temps en temps qui s'appelle Sous les pavés la terre et qui traite justement toutes ces alternatives paysannes. Ce serait certainement dans ce cadre-là qu'on viendrait un peu causer avec vous, si vous êtes d'accord. Pas de problème. Voilà, on te remercie beaucoup d'avoir appelé, puis certainement on aura l'occasion d'aller vous voir. Bah, très bien, merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, Yannick. On a entendu que des gens bien depuis une bonne heure et plus au téléphone. Il est temps maintenant d'écouter un peu ce que les affreux ont à dire sur l'autogestion, parce que ils en disent des choses, voilà, et pas plus loin que dans Libération du 10 mai dernier. Alors c'est une interview de Michel Rocard. Voilà, qui s'était déclaré vaguement pour l'autogestion. Il y a longtemps. C'était du temps où Strauss-Kahn était de gauche. Voilà, et libre. Justement. Alors, donc, trois pages d'interview, et il fait référence à la récente prix Nobel d'économie dont je parlais tout à l'heure. Oui. Madame Ostrom, de son prénom Elinor. Et à la question du journaliste, donc vous avez évoqué un autre mot, autogestion. Que signifie-t-il pour vous aujourd'hui, Michel Rocard ? Réponse. Je l'ai prononcé à propos des travaux de Madame Ostrom. Le monde entier a fait la découverte que le centralisme excessif marche mal. J'ai essayé de parler à une époque d'autonomie, mais je dois bien reconnaître que cela n'a pas été repris. J'ai eu davantage de succès avec le concept d'économie sociale autour de la coopération du secteur mutualiste. Question. Cette réflexion sur l'autonomie n'est-elle pas davantage portée aujourd'hui par les écologistes que par les socialistes ? Et là, c'est la réponse qui est très intéressante. Peut-être, donc réponse de Michel Rocard. Mais où est le problème ? Si vous pensez que le PS est en train de se faire concurrencer par les écologistes, vous vous trompez. Si c'est de constater que des alliés du PS peuvent porter mieux que lui certains débats, pourquoi pas ? Le PS a parfois eu de la difficulté à capter des débats qui ont lieu autour de lui. S'il pouvait s'ouvrir, ce serait pas mal. Mais la réflexion écologique n'a jamais résolu les problèmes de l'équité de la distribution des salaires. Dans une société française où il y a 3 à 4 millions de pauvres et au moins autant de précaires, les valeurs portées par la social-démocratie sont plus que jamais d'actualité. Il y a une opportunité historique pour que la France saisisse l'occasion et serve de cristallisateur à une économie mondiale écologiquement compatible. Si c'est pas de la langue de bois, ça. Je reprends dernière phrase qui est fameuse. Nous avons avec Dominique Strauss-Kahn la chance d'avoir un candidat qui maîtrise parfaitement le sujet. C'était il y a une semaine. On remercie Michel Rocard pour cette vision toujours très pertinente. Très visionnaire. Oui, très visionnaire, on peut le dire. Et voilà, donc ils disent des choses, des affreux, il faut toujours s'en rappeler. Upload to me today. Send me a file. Mega upload. Mega upload. Mega. Users 1 billion per day, 50 million. 4% of the internet. Get the Mega Manager. It's 10 times faster. Bit by bit, unlimited. It's a hit. It's a hit. MEGA, upload to me today. Send me a file. Mega upload. Mega. Mega. MEGA, upload to me today. Send me a file. Upload for free. Mega upload. Check it out. Check it out. Mega upload for free. Mega upload, 'cause it's fast. Fast as hell. Yeah. Mega upload, 'cause it's fast. Fast as hell. Yeah. Check it out. Check it out. amazing. MEGA, upload to me today, send me a file.